Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 euros. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Bonjour, je voudrais réserver une table pour l'anniversaire de mon ami samedi. Disons, plutôt dimanche, dans 2-3 mois, ça vous irait? Pardon? Juste le temps de remplir la paperasse pour un dégât des eaux dans les cuisines. On part sur le 15 mai? Ce ne sera plus vraiment son anniversaire du coup. Bon, ben l'année prochaine alors. Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec Alliance, assurance des professionnels, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Allez, un coup d'œil sur la météo de ce week-end avec Kevin Fleury. Bonjour Kevin. Bonjour François. Et toujours en effet, pas mal de précipitations aujourd'hui sur l'ensemble de la France, particulièrement en vallée du Rhône, et du vent fort en Méditerranée. 107 km/h enregistré au Cap Corse il y a une heure. Et ça risque de rester ainsi une bonne partie de la journée. Vos températures assez fraîches ce matin dans le secteur d'Aurillac. Ça va se poursuivre également cet après-midi. Pas plus de 14 degrés à 17h. 18 à Brest, 21 degrés à Nantes et jusqu'à 27 degrés en Méditerranée. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la Première Ligue anglaise. 14h45, rugby top 14 Lyon-Toulouse. 15h, tennis, demi-finale de la Coupe Davis, le double Croatie-France et Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Singapour. 17h, Intégral Foot Ligue 1 Monaco-Rennes et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 8h, toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, fin de manifestation jeudi à Paris, place de la République, et l'un des participants touché par une grenade lacrymogène, il a perdu un œil. La police des polices est saisie. C'est l'une des conséquences des attentats de Paris, la détresse des restaurateurs qui ne voient plus les touristes. En 4 ans, 17% des restaurants ont fermé leurs portes. Et puis la Coupe Davis de tennis, un partout entre France et Croatie en demi-finale. Place au double, aujourd'hui, 8h01 sur RMC, bonjour à tous. Ils n'arrivent donc plus à remplir toutes leurs tables depuis quelques mois. Ils souffrent sérieusement de la baisse de la fréquentation touristique à Paris et sur tout le territoire. Les restaurateurs tirent la langue et ça va même plus loin. 17% d'entre eux ont mis la clé sous la porte depuis 4 ans. Phénomène qui s'est amplifié depuis les attentats de Paris. Mélina Payon. En temps normal, le Je t'aime, restaurant de cuisine traditionnelle, affiche complet. Seulement depuis les attentats, Jackie Larsonneur, son gérant, voit de moins en moins de touristes passer le pas de sa porte. Il est vrai que début septembre, on ne démarre pas sur les chapeaux de roue. Bon, notre chiffre d'affaires a baissé de 30 à 40%. Donc aujourd'hui, le restaurateur ou l'hôtelier qui dit on fait le plein, c'est pas possible. Ça, c'est impossible. Même difficulté pour François Mercier. Il tient un restaurant gastronomique au cœur de la capitale. Et pour éviter d'en arriver à la fermeture, il a dû réduire son équipe. On a commencé par ne pas remplacer les gens qui partent. Ceux qui demandent des congés sans solde, on les accorde très facilement. Et là, aujourd'hui, j'ai ouvert un dossier pour faire de l'activité partielle. J'ai pas le choix, je suis obligé de mettre du personnel, entre guillemets, au chômage parce que j'ai pas de travail pour eux et j'aurai des difficultés à payer tout le monde. Les restaurateurs espèrent un regain de la fréquentation avec l'opération Manger Paris qu'organise la mairie du 25 au 27 septembre. Le reportage de Mélina Payon. Comment les forces de l'ordre ont géré les attaques de Paris au soir du 13 novembre? C'est ce que veulent savoir les familles des victimes du Bataclan. Leur avocat a saisi la justice hier, notamment pour comprendre pourquoi les militaires de l'opération Sentinelle présents sur place ne sont pas intervenus. Le colonel Benoît Brulon, porte-parole de l'opération Sentinelle, a déjà commencé à s'expliquer hier soir sur BFM TV. L'intervention dans un milieu clos avec des otages nécessite des compétences particulières, un entraînement particulier. C'est pour ça qu'elle est confiée à des forces qui sont des forces spécialement entraînées. L'intervention de nos militaires avait pour but de préparer l'engagement de ces forces spéciales du ministère de l'Intérieur. Et le travail qu'ils ont effectué en sécurisant la zone a permis l'engagement, en particulier de la brigade de recherche et d'intervention et du RAID. On est dans une situation dans laquelle il n'y a pas eu d'ordre d'engagement. Nos soldats étaient positionnés pour remplir une mission qui correspondait à leur principe d'action et qui correspondait à la manière dont ils sont utilisés sur le territoire national. Le terrorisme, toujours, et la mise en examen tard hier soir d'un mineur de 15 ans, arrêté mercredi à Paris. Il a été placé en détention provisoire. C'est l'un des quatre adolescents arrêtés ces 10 derniers jours pour des velléités d'attaques terroristes. Les violences, une nouvelle fois en marge de la manifestation contre la loi travail. Et les conséquences dramatiques pour l'un des participants blessés sur la place de la République. Il a perdu l'usage d'un œil, touché a priori par l'explosion d'une grenade lacrymogène. La police des polices va enquêter. Alexandre Langlois de la CGT Police explique le déroulé de cette fin de manifestation jeudi. Sur la manifestation donc de jeudi, le cortège syndical a évacué tranquillement la place, etc. Et les moyens de mise en place du service d'ordre pour disperser ceux qui étaient là pour des actions plus violentes a été mis très tardivement en place, une fois qu'il y avait eu des blessés, des dérapages, etc. Donc il y a des fois, ils sont clairement identifiés et nos collègues ont ordre de les laisser passer et ne pas intervenir. Nous, ce qu'on prône depuis le début, c'est quand ils arrivent, c'est qu'ils soient écartés de la manifestation immédiatement ou alors qu'on leur enlève à minima tous les objets d'attaque et que, enfin, qu'on puisse retrouver un état de droit et la liberté d'expression. Une police qui puisse assurer la sécurité des gens. La protection des frontières, la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'une défense européenne, les grandes lignes de la feuille de route des 27 sommets des dirigeants européens hier en Slovaquie, le premier sommet depuis le Brexit. Quand il a emmené son cheval à la station de lavage, il ne pensait pas finir au tribunal. Histoire assez folle du côté de Draguignan. Cette semaine, la justice a dû statuer sur le cas de Philippe. Philippe qui, en février 2015, s'est dit qu'il pourrait laver son cheval comme une voiture. Au Karcher, les associations de défense des animaux ont porté plainte, Élodie Messager. Accusé de maltraitance pour avoir lavé son cheval couvert de boue au Karcher, Philippe a été poursuivi en justice. Il n'en revient toujours pas. C'est vrai que c'est pas courant de doucher son cheval sur une station de lavage, mais le tribunal pour ça, Brigitte Bardot, qui m'attaquait, comme si j'étais un gros bourreau, un être malfaisant, mais j'aurais douché avec le bâton, j'aurais douché pour immobiliser le cheval avec des entraves. Mais non, je ne faisais que doucher, c'est tout. Et la preuve, c'est que ça lui faisait pas mal, parce qu'il cherchait même à boire au pistolet. Doucher son cheval au Karcher serait pourtant une pratique courante en équitation. Selon Serge Drevet, l'avocat de Philippe, la plainte aurait dû être classée sans suite. Il y a eu des dysfonctionnements dans la mesure où les gendarmes se sont rendus au domicile du propriétaire des trois chevaux. Ils ont constaté que les chevaux étaient en très bon état, notamment le cheval qui avait été carchérisé. Et malgré ça, on a poursuivi son propriétaire devant un tribunal pénal. Philippe a finalement été relaxé par la justice, mais on ne l'y reprendra plus. Il douche désormais son cheval à l'abri des regards. Le reportage de Élodie Messager, 8h06 sur RMC. Le double aujourd'hui pour prendre l'avantage et une vraie option vers la finale de la Coupe Davis. Le tennis ce matin, un partout entre la France et la Croatie. Hier, Gasquet a apporté le premier point au bleu. Par contre, Lucas Pouille a perdu contre le numéro 1 croate Marin Cilic. Le français a fait de son mieux pourtant. C'est l'analyse de Sarah Pitkowski de la Dream Team RMC. J'ai pas l'impression qu'il soit passé totalement au travers de son match. Il sent pas la balle. Ça arrive. Il y a des jours au tennis, vous sentez pas la balle. Ça part pas comme vous voulez. Vous lisez pas le jeu adverse. Néanmoins, il a une attitude qui est positive. Néanmoins, il se bagarre pour aller chercher un troisième set. Certes, il perd, mais il est dans la rencontre, il est dans le match. Et puis, c'est une équipe. Donc, c'est pas la défaite de Lucas Pouille qui fragilise toute l'équipe. Le double aura son rôle à jouer. Le football, et voilà donc à quoi ressemble le vrai PSG. 6-0, la victoire hier soir sur la pelouse de Caen. Quadruplé pour Edinson Cavani, attaquant décrié mais soutenu par ses coéquipiers, Lucas notamment. On sait la qualité d'Eji, on sait qu'il est capable de marquer beaucoup de buts, il a une qualité incroyable, il sait comment gérer très bien les moments des critiques, quand il ne marque pas, et il reste toujours un buteur. Et aujourd'hui, il a prouvé ça, et il a la confiance de tous les joueurs, de tous les staffs. Et la suite de cette cinquième journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec, dès 17h, le co-leader Monaco qui reçoit Rennes, le top 14 de rugby, et décidément les vacances sont longues, très longues pour certains joueurs. On vous parlait il y a deux semaines de ces joueurs fidjiens qui ont prolongé l'été chez eux. Eh bien, l'un des meilleurs d'entre eux, Timothy Naguza, à tout décisif à Montpellier, n'a toujours pas donné signe de vie, Julien Landry. Oui, le vestiaire du MHR a du mal à prendre position dans cette affaire. Encore plus de difficultés à condamner l'un des chouchous du groupe, connu pour ses facéties, le Fidjien incapable de s'asseoir sur la pelouse. En plein match, Naguza a reçu hier le soutien de son coéquipier Robin Chalewachu, qui est aussi le président du syndicat des joueurs. J'ai Jim souvent un texto par moment, on discute de personne à personne. Jim ne peut pas rester comme ça si longtemps juste parce qu'il a envie de glander. Je pense qu'il y a une explication à cela. Naguza, qui ne donne pas de nouvelles à sa direction sur la date de son retour, devrait disputer une rencontre aujourd'hui au Fidji avec son club formateur de Nadi. La bonne nouvelle donc, c'est que Naguza a la forme pour jouer au rugby, la mauvaise, Pas encore, avec le maillot de Montpellier. Voilà, ils devront être passés en 8h08 sur RMC. On termine par les courses. François Sorel et les pronostics de la Dream Team aujourd'hui pour le Quintet A. Maison Lafitte et Sébastien Arras tentent un coup de poker avec le 6 Royal Bati et le 15 Feel Alive Thomas. Brahim Asloum aime bien le 10 Mon Dieu. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari et le 2 Jaref. Le 6, le 15, le 10 L'As et le 2. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et on est là dans un instant sur RMC. Deuxième partie de notre week-end des experts. Ce sera la maison avec toutes vos questions. Bricolage, maison, déco au 32 16. Et puis on parlera d'incendie entre 9h et 10h. Les incendies dans la maison, comment les éviter et puis surtout comment les combattre s'il y en a un qui arrive. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. 32 16 pour nous joindre. À tout de suite. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues? Avouez. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur des milliers de produits. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. Pendant ce temps chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Renault Twingo est à partir de 99 euros par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien, de garantie inclus, portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LL des 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1500 euros si acceptation par Diac SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais c'est quoi ces bouteilles, ces caisses en bois? Jusqu'au 2 octobre, c'est la foire au vin chez Carrefour Market, Michel. On va découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market à petit prix. Dites-moi plus! Par exemple, le Château Bel Air Gloria au Médoc Cru Bourgeois 2014 est à seulement 8,99€. Un vin aussi à ce prix-là? Vous connaissez bien votre domaine. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, disponible dans les drives Carrefour Market. Voir produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. C'est RMC, il est 8h11 et c'est le week-end des experts qui revient, les amis. Merci d'être là. Après le jardin, comme chaque samedi, 2 heures dédiées au bricolage, la maison, la déco. Avec qui? Avec Cricri. Bonjour. Christian Pesset. Bonjour. Les amis, comment ça va, Christian? Eh bien, ça va très bien. Vous savez qu'en ce moment, en plus, l'actualité sportive est très dense. Oui. Avec la Coupe Davis. Et la Coupe Davis dans le rendez-vous maison. Ça tourne. Si vous voulez, ça tourne. Là, ça franchement, ça tourne, on y va. Ça tourne de vis, bien sûr. Non, pour tous ceux qui n'auraient pas compris, oui, non, je pense quand même. Voilà. Des fois, ça, il faut faire comme dans les films américains. Oui, il faut bien expliquer, rajoute, voilà, là, hein. Tout ça. Bon, Christian, après cette petite blague qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais bon, on l'a faite. Sachez que dans un instant, on va retrouver toutes vos questions bricolage maison déco. On va vous offrir aussi cette magnifique perceuse sans fil Black & Decker. Ça sera dans un instant, on va vous l'offrir par SMS. Et puis, Christian, un sujet sérieux. Tout à l'heure, entre 9h et 10h, on va parler des risques d'incendie dans la maison. Oui, eh bien, parce que c'est un véritable risque. On sait qu'il y a de plus en plus d'incendies tous les ans, malgré tout. Hein. Il y a eu 100 morts l'année dernière, en 2015 exactement. C'est incroyable. 10 000 blessés, donc plusieurs centaines de milliers, je crois que c'est 250 ou 260 000 incendies en France. Alors, les causes sont diverses, et alors maintenant, s'y ajoutent aussi les feux de forêt, parce que cette année, il y a eu à Marseille 25 maisons qui ont brûlé. Oui, oui. Parce qu'elles étaient à proximité, parce qu'elles étaient en fait, à proximité, que c'était mal débroussaillé. Alors, voilà. On va voir comment prévenir ces incendies, quel comportement tenir face au départ de feu à la maison ou si on se trouve dans un feu de forêt, comment réagir en cas d'asphyxie et de brûlure, quelles conséquences aussi sur la santé. Voilà. On va avoir de bons invités, vous allez voir, comme d'habitude. On en parlera tout à l'heure, mais bien sûr, dès maintenant, si vous avez des questions sur ce sujet, le 3216 ou maison@rmc.fr par mail, vous nous laissez votre numéro de téléphone. Bienvenue, 8h13, on attaque tout de suite avec vos questions et c'est Patrick qui est là. Bonjour Patrick. Oui, bonjour les experts. Oui, bonjour Patrick. Bienvenue Patrick, on vous écoute. Ah, mais moi aussi, moi je vous écoute tout le temps, mais c'est la première fois que je vous appelle, vous voyez, donc... Il y a un début à tout. Il faut une première à tout. Elle vous a fait rire, la blague, la Coupe Davis dans la maison, tout ça? Ah oui, oui, oui. Bon, bah, ça va. De toute façon, j'aime votre humour, hein. Ah. Dans ce temps grisâtre, aujourd'hui, eh oui, donc, mieux, hein. Ça fait du bien. Ouais. Et puis le bricolage, c'est quand même une contrainte parfois, alors donc si en plus on était... c'est pas tout le temps une contrainte, on peut prendre ça comme ça. Enfin bon. Bon alors, j'adore ça, le bricolage, mais en ce moment, je suis dans une panade. Vous avez alors, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive, Patrick? Racontez-nous. Alors, cet été, ben, on devait refaire les huisseries, en fait, en l'azur. Oui. Mais on n'a pas retrouvé la même teinte qu'on avait à l'origine. Ouais, donc, j'avais tout poncé, etc., avec mon ami. Et ensuite, bon, on a traité à la base d'un insecticide, de genre xylophène, etc. Ouais. Quand ça a été bien sec, on nous a conseillé de mettre une sous-couche. Alors, c'est une sous-couche qui est relativement épaisse, qui est de couleur beige clair, et sur laquelle je pouvais mettre la lasure à partir du moment qu'elle n'était pas transparente. Il fallait qu'il y ait une teinte à mettre dessus. Or, la lasure ne tient pas sur la sous-couche. Ça vient du même, fabricant. Oui. Alors, on nous a conseillé de casser un peu le brillant de la sous-couche, ce qu'on a fait. Ça tient pas mieux. Non, mais ça, de toute façon, c'est pas une question de casser le brillant. L'azur, c'est pas une peinture, hein. Donc, je sais pas ce qu'on vous a mis et ce qu'on vous a conseillé, là, moi. Quand on l'azure, on met à nu ce que vous avez fait, c'est bien. De l'insecticide, c'est totalement inutile parce que, de toute façon, j'imagine que vous avez des huisseries en bois exotique. Oui, tout à fait. Voilà, donc, toute façon, avant que des insectes... parce que là, faudrait voir ce qui est incompatible l'un avec l'autre. Donc, ne vous cassez surtout pas la tête avec des produits de traitement pour des huisseries qui, en fin de compte, ont très très peu de chances d'être attaquées par des insectes xylophages. Et puis, attendez, les dégâts seraient forcément extrêmement limités. Donc ça, c'était totalement inutile. Vous avez mis de l'argent par les fenêtres. Et puis ensuite, une sous-couche. Alors, également, vous avez mis de l'argent par les fenêtres parce que il y a pas de raison, a priori, de mettre une sous-couche sur une lasure qui, en plus, c'est un produit qui n'est pas ce qu'on appelle filmogène. C'est-à-dire qu'à la différence d'un vernis ou d'une peinture, ce qui est à peu près la même chose, vous savez, un vernis et une peinture, c'est la même chose. Hein. Simplement, le vernis, il est transparent ou il est légèrement teinté. Mais et là, on a un problème de... Il faut que s'établisse un film et qu'il arrive à s'incruster. La lasure, c'est beaucoup plus un produit quand même qui a une part d'imprégnation. Donc, si vous lui mettez une sous-couche... qui est en dessous, qui est imperméable, votre lésure, tient pas. Hein, et donc, je sais pas qui vous a conseillé de mettre une lésure là et pour quelle raison. Moi, j'en mets jamais. Mon ami Leroy, on va dire. Bon, bah, écoutez, je sais pas pourquoi il vous a. Oui, tout à fait. Hein, un peu comme un Merlin l'Enchanteur, quoi. Non, voilà. Bah, écoutez, allez quand même leur demander pourquoi ils vous ont conseillé ça. Moi, je peux vous dire, j'ai lésuré une porte cet été. J'ai simplement mis à nu et puis on l'a ensuite lasuré. Mais sur le problème des teintes, alors vous avez raison, c'est extrêmement embêtant parce que on trouve pas toujours les mêmes teintes. Je trouve moi que les résultats sont pas toujours fameux. Il y a des différences de couleurs. Bon, alors que puis-je faire maintenant parce que vous décapez. Ah, faut tout décaper, d'accord. Voilà. Et pensez pas, hein, vous décapez soit avec un décapant chimique, soit avec un décapant thermique. Voilà, donc on envoie quoi du chaud, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Mais bon, en l'occurrence, là, moi, je pense que sur une porte, c'est, j'en ai en plus, je dis, subi les conséquences, si j'ose dire, oui. C'est que, bon, bah, on essaie au thermique, et puis il nous reste toujours un petit peu dans les coins. Quand il y a des moulures sur les portes, souvent, enfin, ça dépend du type de porte, hein. Si c'est un panneau, c'est souvent le chimique qui va donner là le meilleur résultat avec un bon grattage et puis un petit ponçage derrière, en tout cas, notamment sur les moulures. Patrick, merci. On revient dans un instant. Christian, 8h17. Le bricolage, la maison, la déco. C'est jusqu'à 10h sur RMC. Dans ce week-end des experts. À tout de suite. RMC, 8h10. Votre maison. J'ai adoré notre premier rendez-vous. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... La discount, je dois filer. Aujourd'hui, pour un pack de tablettes lave-vaisselle, tout en un finish acheté, le second est offert. Soit 6,99€ les deux. Netto, le discounter qui fait la différence. 45 tablettes, 815 grammes, 6,99€ le pack vendu seul. Dès que je t'ai aperçu, j'ai eu envie de toi. Tu étais si bien dessiné. Un top modèle. Avec tes 5 portes et tous tes équipements, je t'ai trouvé séduisante et pratique. Quand j'ai su qu'à partir de 7 990 € tu serais à moi, j'ai pensé à une blague. Et puis je t'ai essayé et je ne t'ai plus jamais quitté. Mon Opel Karl. Jusqu'au 30 septembre, l'Opel Karl, désigné citadine de l'année par les trophées de l'Argus 2016, est à partir de 7 990 €. Avantages clients déduits, conditions sur opel.fr. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Martin, il a quel âge ton papa? 55%. Oh la chance! Et le tien? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions magasin, dispositif médical CE. Ce mois-ci, la TVA s'est pris une bonne gaufre chez Sokouk. Du 7 au 30 septembre, Sokouk vous offre la TVA sur toutes ses cuisines équipées. Adieu TVA, cette fois c'est cuit pour toi. Concoctons ensemble votre cuisine. Sokouk, 120 magasins de cuisine équipés 100% fabriqués en France, à retrouver sur sokouk.com. Depuis des mois, vous attendez cette série. Elle vous obsède. Vous donneriez tout pour la voir. Alors ce week-end, ne les ratez pas. Les séries limitées MyCanal sont au programme des portes ouvertes Seat. Seat Ibiza et Seat Leon MyCanal. Des Seat suréquipés avec GPS et caméra de recul à partir de 159 € par mois. Pour une Seat Ibiza MyCanal, location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 € suivi de 36 loyers de 159 € sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Ouverture selon autorisation. Conditions sur seat.fr. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. C'est RMC, c'est le retour du week-end des experts et c'est la maison. Merci d'être là. Christian Pesset est à l'affût de vos questions. Comme chaque samedi, profitez-en. 3216 ou maison@rmc.fr. Christian, avant de retrouver notre auditeur ou notre auditrice, on va vous offrir, vous qui nous écoutez, un super cadeau ce matin. On vous offre perceuse sans fil de rêve. Oui, la perceuse du moment, on va dire. C'est une perceuse sans fil, évidemment. C'est une perceuse Black & Decker AutoSense, c'est-à-dire qui adapte automatiquement le couple à la fonction que vous aurez sélectionnée. C'est un mandrin autosserrant, naturellement, aujourd'hui, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est livrée avec deux batteries lithium-ion de 18 volts et cerise sur le gâteau, une mallette, bon, ça, c'est classique, mais 160 accessoires avec une panoplie de mèches bois, une panoplie de mèches béton, une panoplie de mèches métal, 40 embouts de vissage, dévissage, et il y a même encore quelques chevilles et quelques vis dedans. C'est donc un très beau cadeau. On est obligé de gagner la coupe des vis, voilà, avec cette perceuse. Mais d'accord. Tout à fait. Mais il faut faire attention aux chevilles. Hein. Ça sera court. Ah, c'est vrai que... Bon, les nôtres, vous avez vu, ils sont assez fragiles. On peut avoir des foulures. Hein. Nos joueurs de... Oui, ça arrive, attendez. Oui. Hein. Bon, donc, c'est un cadeau qui vous est offert, évidemment, par RMC et par le magazine System D. Comment remporter ce super cadeau Eh bien, c'est très simple, par SMS. Vous n'avez même pas à nous appeler, les amis. Vous prenez votre portable, vous envoyez maison. Vous tapez maison par SMS au 732-16. Maison par SMS au 732-16. Et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Elle est belle, la vie. Elle est belle. Hein. Attendez, 50 centimes d'euros le SMS et paf, vous participez au tirage au sort. Bonne chance à vous toutes et à vous tous. Petite question mail, Cricri. Oui. C'est la question de Maxime. Avant d'installer une climatisation dans ma maison, dois-je d'abord changer les fenêtres qui sont actuellement en simple vitrage? Et quelles sont les différences entre les systèmes de clim réversibles et pompes à chaleur? Voilà, on va pouvoir en faire une émission, ça donc une demi-heure, hein. Ne vous lassez pas. Hein. 4 minutes suffiront. Si c'est possible. On va essayer. Bon, donc, est-ce qu'il faut changer les fenêtres quand on veut mettre une climatisation? Je dirais que si c'est de la clim, véritablement, c'est pas très... Pour le rafraîchissement, c'est pas majeur, mais en tout état de cause, si on met un système de climatisation notamment réversible, c'est-à-dire qui vous servira aussi pour le chauffage, bah de toute façon, il faut que votre maison, elle soit votre logement, il soit isolé le mieux possible. Donc isolation des murs, isolation changer les fenêtres et évidemment. Alors la question dit quelles sont les différences entre les systèmes de clim réversible et les pompes à chaleur? Mais les systèmes de clim réversible, ce sont des pompes à chaleur. Donc simplement, il y a des pompes à chaleur qui qui, par définition, sont uniquement faites pour chauffer, donc pour diffuser de la chaleur. Et puis, il y a aussi donc les certains systèmes qui sont réversibles d'ailleurs, on doit dire, et donc qui vont faire à la fois du chaud et du froid. Alors, ça me semble toujours intéressant lorsqu'on est dans une région qui a pas d'hiver trop rigoureux, parce que en fonction chauffage, un matériel vous qui dire est que plutôt dans le doux, c'est pas une bonne idée. C'est pas non, et d'ailleurs on s'abstiendra. Parce que vous savez bien que dans le doux, abstiens-toi. Donc, bravo. N'est-ce pas? Ouais. Donc, oui, on s'abstiendra parce que, justement, on est dans des régions très froides et que là, le système, il est surtout fait pour rafraîchir et ensuite, il vous donne de la chaleur. Alors, puisqu'on parle de pompe à chaleur, il faut voir aussi qu'on va avoir une différence entre ce qu'on va avoir un système qu'on va qualifier d'aérien pour simplifier, c'est-à-dire qu'il vous souffle de l'air chaud ou de l'air froid, ou bien si on est en liaison avec un plancher chauffant, par exemple, et là, on va avoir un système qui va pouvoir être réversible en rafraîchissement et chauffage, et là, c'est un système qui, moi, me semble en tout cas infiniment plus confortable. D'accord. Au niveau tarif? C'est économique en pompe à chaleur pour faire du chaud, mais dès que vous la mettez en réversible et que vous faites du chaud et du froid, eh ben évidemment que là la facture explose, puisque du coup votre pompe à chaleur elle marche toute l'année. Et oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Après, côté installation et côté tarif, on est sur des sommes importantes ou pas? Je veux dire, ça dépend véritablement de la surface, de l'isolation, du lieu. Je veux dire, l'âge du capitaine, là, il est difficile à déterminer. Mais bon, une installation de climatisation, allez, je veux dire, d'un appartement ou d'une maison, allez, de 50 à 80 mètres carrés, allez, on va en avoir pour 7 à 8 000 euros, quelque chose comme ça. D'accord, tout compris. Quelque chose de véritable, 10 000 euros maximum pour quelque chose, mais là, vraiment de très pro. Ouais, ouais. Alors, on peut trouver moins cher, bien sûr, hein, mais... Bien sûr, après... On peut aussi prendre des monoblocs, hein, vous savez, oui. les mobiles, mais c'est quand même pas oui, idéal. Et puis il y a toujours ce gros tube qui sort, qui est obligé de sortir. Il y a des systèmes qui en dispensent, mais c'est pas les plus efficaces. C'est pas le plus efficace. Bon, Christian, on va revenir dans quelques instants sur RMC après la météo et les infos de 8h30. N'oubliez pas donc notre jeu, hein, si vous voulez tenter de remporter cette place sans fil, vous nous envoyez maison par SMS au 732-16. Et puis, sujet important tout à l'heure qu'on évoque entre 9 et 10, un spécial incendie dans la maison. Comment les combattre, ces incendies, et puis surtout comment les prévenir, hein, avant que des drames se réalisent. Vous le disiez tout à l'heure, il y a eu plusieurs morts l'année dernière ce sujet. Bien sûr. C'est quand même assez impressionnant. Le 32-16, maison@rmc.fr si vous avez des questions sur ce sujet. Météo, info de 8h30 et on est de retour, à tout de suite. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Vous aimeriez faire des travaux pour améliorer les performances énergétiques de votre domicile? Vous avez peur de l'addition? On en parle dans un instant avec la prime éco-énergie d'Auchan. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 allure. La berline compacte avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 allure est à partir de 249 euros par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Les professionnels du gaz Peugeot. En ce moment, vous pouvez faire des économies avec les professionnels du gaz. Et c'est facile. Avec les professionnels du gaz, qualifiés RGE, vous bénéficiez de 30% d'économie pour l'achat d'une nouvelle chaudière gaz haute performance grâce au crédit d'impôt. Et jusqu'à 30% d'économie d'énergie à l'utilisation. 30% d'économie à l'achat et jusqu'à 30% à l'utilisation? Waouh! Pas d'hésitation. Alors, contactez votre professionnel du gaz PG. Les professionnels du gaz PG. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Maman, tu m'emmènes pas à l'école? Déjà? Mais si on reste en vacances, le temps de remplir la paperasse pour réparer la voiture. Bah, c'est la rentrée quand même. La rentrée, ça va, il y en a une tous les ans. Tiens, si tu arrives à déchiffrer cette déclaration de sinistre, tu auras gagné au moins 3 ans sur ton programme scolaire. C'est bon ça? Nous aimerions tous obtenir une solution concrète dès le premier appel. Avec l'assurance auto et habitation Alliance, un conseiller vous propose une solution dès le premier appel. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois gratuits selon les contrats pour toute souscription faite avant le 31 décembre 2016. Voir conditions sur alliance.fr. Alliance, avec vous de A à Z. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'est l'heure de la météo sur RMC avec Kevin Fleury. Bonjour Kevin. Bonjour François. Et le temps reste encore bien perturbé aujourd'hui avec toujours beaucoup d'averses en ce moment entre le département du Nord en redescendant vers le sud-est de l'Île-de-France. Mais c'est surtout en vallée du Rhône que les précipitations sont les plus importantes, notamment sur les Deux-Savoie. Une situation qui va rester ainsi une bonne partie de la journée. Attention également à ce vent fort qui continue de souffler en Corse. 111 km enregistrés au Cap Corse il y a encore quelques minutes. Ailleurs, sur la façade maritime, la façade ouest, le temps est beaucoup plus ensoleillé, moins dégradé. Les températures se vérifient aussi à 14 degrés dans le centre à Aurillac, 15 degrés à Saint-Etienne, 18 à Brest et Tours, 19 pour Caen et Bayonne, 22 degrés à Marseille, 24 à Montpellier, 27 degrés à Bastia cet après-midi. Puis pour la suite de votre week-end bien sûr avec dès demain le retour des averses sur l'ensemble de la France, sauf sur un quart nord-ouest. Les températures auront bien du mal à dépasser les 21 degrés. Puis enfin, pour le début de semaine prochaine, situation quasi identique, un temps mitigé, des averses sur l'ensemble de l'Hexagone et des températures qui auront bien bien du mal à dépasser les 23 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, il est précisément 8h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Les sports ce matin avec le PSG qui démarre enfin sa saison. Début de la 5e journée de Ligue 1 hier soir. Victoire 6-0 face à Caen. La suite aujourd'hui avec notamment Monaco co-leader qui reçoit Rennes. Le tennis, demi-finale de Coupe Davis, un partout entre la France et la Croatie. Gasquet a porté le premier point hier. Par contre, Luca Pouille a perdu hier soir. Double décisif cet après-midi en Croatie. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et écroué à seulement 15 ans, l'adolescent arrêté mercredi à Paris, a passé sa première nuit derrière les barreaux. Il fait partie de ces 4 jeunes arrêtés ces 10 derniers jours, 4 jeunes qui envisageaient de commettre des attentats. La justice saisie par les familles des victimes du Bataclan, elle devrait se pencher sur l'action des forces de l'ordre le soir du 13 novembre. Les familles veulent notamment comprendre pourquoi les soldats de Sentinelle présents sur place ne sont pas intervenus. Autre enquête, elle sera menée par la police des polices. Celle-ci enquête après les violences en marge de la manifestation contre la loi travail jeudi. Les forces de l'ordre mises en cause par un des manifestants qui a perdu l'usage de son œil droit après vraisemblablement l'explosion d'une grenade lacrymogène. La protection des frontières, la lutte contre le terrorisme et la mise en place d'une défense européenne, les grandes lignes de la feuille de route des 27 sommets des dirigeants européens hier en Slovaquie, le premier depuis le Brexit. Et puis en Syrie, ce sont les États-Unis qui l'annonçaient hier soir, la mort d'un nouveau haut dirigeant de l'État islamique, son surnom, Dr. Wail, touché par une frappe aérienne à Raqqa. Il était celui qui supervisait toute la propagande de Daesh. 8h31 sur RMC. Vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel, votre maison, messieurs. Merci beaucoup Thomas, prochain point sur l'actualité bien évidemment à 9h. Et dans un instant, on repart avec vos questions bricolage maison déco, avec notamment Carmen qui aimerait bien peindre sa terrasse. Elle aimerait bien savoir justement comment elle doit procéder. 3216 maison@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. 3216 touche 1, réagissez en direct sur RMC. Écris attention, question flash, chaussez votre casque, c'est parti. En moins de 2 minutes maintenant, allons-y. Vous vous engagez à répondre à la question d'Anne-Marie. Même en nettoyant régulièrement ma cuvette de WC, Christian. Ouais. Alors là, on rentre dans le sujet quand même. Le tartre finit par s'y accrocher et par laisser des traces. Ces traces résistent à tous les produits ménagers. Comment en venir à bout? Alors, c'est vrai que... Vous avez l'air quand même assez... Non, mais les produits du commerce, les produits du commerce sont peu efficaces, sauf en entretien et encore. Alors, je donnerais deux solutions. Une solution relativement douce, c'est de verser sur le tartre du vinaigre brûlant, du vinaigre blanc brûlant et de brosser, mais c'est pareil, il ne faut pas que ce soit vraiment... Mais brûlant. Du tartre brûlant, il faut que ce soit... Enfin, il faut qu'il boue. Ouais, pratiquement. Enfin, quand vous versez, il ne boue plus, mais vous le chauffez à la cuisine, vous l'amenez. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On frotte en même temps ou pas? On brasse et puis voilà. D'accord. Mais la solution radicale, c'est l'acide chlorhydrique du commerce. Ah. Alors là, il faut prendre beaucoup de précautions parce que il faut des gros gants de caoutchouc, ouais, des manches longues, éviter de le boire, pantalons longs, des chaussures fermées, des lunettes si possible. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on voit partout sur Internet dire, allez, vous versez l'acide chlorhydrique. Bah non, on va en verser une très petite quantité. Qu'est-ce qu'on fait? On va récupérer par exemple un pulvérisateur, vous savez, pour les vitres. Oui. Et puis on va mettre l'acide chlorhydrique dedans, on va mettre ses gants, et puis là on va pulvériser. Mais ça va pas attaquer le vaporisateur, non, le vaporisateur, non, pas du tout. Non, ça va quand même. Hein, donc à partir de là, vous allez pouvoir pulvériser exactement aux endroits. Vous n'allez pas donc en mettre de trop, donc ça ne va pas polluer. Vous allez brosser et très souvent il va falloir même gratter avec un outil, par exemple la feuille de laurier, c'est-à-dire vous savez le couteau de vitrier qui est en forme, oui, justement. C'est parfait parce que comme c'est arrondi, eh bien ça permet d'épouser, ça permet d'aller dans les coins. Alors pour ce qui est du fond, eh bien il faut évidemment vider avec une pipette et là mettre un peu d'acide chlorhydrique, mais bon, attention, soyez prudent. Oui, parce que l'acide chlorhydrique c'est très très très dangereux, bien évidemment, d'autant les émanations aussi, hein. Oui, bien aéré. 32-16 hein, pour toutes vos questions, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Il est 8h34, le retour du week-end des experts. La maison jusqu'à 10h sur RMC, puis juste après ce seront les GG du sport, Christophe Cessieux, Serge Chimon, comme chaque samedi et dimanche matin. Christian, oui. Attention, on repart tout de suite avec les questions et nous avons Carmen qui est là. Bonjour Carmen. Oui, bonjour François, bonjour Christian, bonjour. Merci de m'avoir pris, messieurs. Bonjour Carmen, bienvenue. Bonjour Christian, bon ben moi je suis dans le Gard et j'ai un petit ça s'entend souci. Pas du tout Carmen. Non. Vous m'entendez pas? Vous non, si. Fixe, allô, vous m'entendez? Oui, non, mais ce que je voulais dire c'est que à votre accent, on se doute que vous êtes dans le sud, c'est ça que je voulais dire. Oui, merci. J'ai une terrasse de à peu près 10 mètres carrés et j'ai des dalles, je ne sais pas en quoi c'est. Je tombe une goutte d'eau et ça marque. Si vous voulez, ça fait comme des taches. Et après, il me faut un peu brosser. Donc, c'est parce que c'est peut-être de la pierre du Gard, justement, parce que c'est un peu poreux. Donc, oui, c'est pour eux, ça. Exact. Mmh. Et j'aimerais la peindre. En gris, bon n'importe, c'est une couleur que j'affectionne, en gris, et savoir comment je vais m'exprimer chez un peintre pour y demander de la peinture qui soit valable sur le sol, qu'après je peux passer avec une serpillière, que je puisse nettoyer facilement. Alors est-ce que vous voulez vraiment peindre votre terrasse? Parce que si vous avez une pierre naturelle, il y a des quantités de produits qui permettent d'éviter justement le phénomène que vous décriviez, c'est-à-dire celui de phénomène de tache, qui vont en quelque sorte imperméabiliser votre pierre, qui vont même la traiter de façon hydrofuse, c'est-à-dire en repoussant l'eau. Il y a des très bons produits, par exemple dans la marque Technicil, qui vous éviteraient d'avoir à faire cette peinture, parce que une peinture sur une pierre extérieure, c'est toujours quand même la galère. C'est que c'est pas fait pour ça. Hein, ça vous pouvez, si vous voulez. Alors, ouais, moi, je vais vous dire, vous prenez une peinture. Non, je préférerais le produit. Eh ben voilà. Alors, essayez de trouver des produits. Je vous ai donné une marque, par exemple, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'ils soient des produits de traitement hydrofuge de votre terrasse. Ah, mais je marque hydrofuge. Hydrofuge. Voilà. Vous prenez un produit hydrofuge et oléofuge. Oléofuge, c'est pour repousser les graisses. Et une fois que vous allez avoir traité votre pierre comme ça, vous allez voir que ça va marcher. Et alors je dirais, si là vraiment, compte tenu que la pierre sera très poreuse, etc., si vraiment ça ne marchait pas, eh bien là, vous pourrez envisager d'appliquer par exemple une résine plutôt qu'une peinture, ou alors une peinture béton, style de celle qu'on utilise dans des garages. Et là, vous aurez aussi un résultat. Mais commencez par me préserver votre pierre. C'est toujours mieux d'avoir une terrasse en pierre que d'avoir une terrasse en peinture, vous serez d'accord? D'accord. Et je le passe comment, cet hydrofuge? Ça s'applique, alors là c'est tout bête, ça s'applique à la brosse ou bien au rouleau. Alors à la brosse, j'entends c'est-à-dire au pinceau large, hein, à plat. Comme la peinture. Comme la peinture, et puis vous verrez, ça va très bien marcher. Technicil. Comment? Technicil. Technicil, ce produit. Voilà. Exactement, Carmen. D'accord. Ben voilà. Moi, parce que je suis pas très jeune, donc je peux le faire. Mais bien sûr, vous pouvez le faire. Non, ça s'applique même au rouleau. Alors vous voyez, comme si vous faisiez un plafond. Parfait. Sauf que c'est en bas, quoi. Il faut mieux parce que. Ouais, faut pas traiter votre plafond avec non. ça. Non. C'est surtout, pas utile. Surtout sur une terrasse. Le plafond de la terrasse. Ouais, c'est pas facile. Pour aller peindre les nuages, c'est compliqué c'est vrai, quand même. C'est vrai. Carmen, merci pour votre appel et bonne journée dans le Gard. Le 3216, maison@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. On est là jusqu'à 10h. René nous attend. Bonjour, René. Bonjour. Bonjour, René. Bonjour. Oui. On vous écoute, René. Voilà. Eh ben, moi, j'ai un problème d'humidité dans une vieille maison. Une vieille maison qui date des années 40 avec des murs très larges. Ouais. Alors, mon problème, il vient dans les pièces humides essentiellement, parce qu'il y a 2 ans, j'avais déjà des petits problèmes qui étaient lentement, qu'on nettoyait, et il n'y a pas de problème. Et il y a à peu près 2 ans, on a remplacé toutes les fenêtres et les portes de la maison par du VPC. Eh oui. Et avec ce VPC, paraît-il que ça accentue l'humidité parce que ça rend encore plus hermétique la maison, il n'y a pas de ventilation. Ben oui. Alors, parmi les solutions, il y a le VMC, voilà, bien connu maintenant. Et on m'a proposé une solution, vous allez me donner votre avis, si vous voulez bien. Ouais. Je peux citer une marque ? Oh, allez-y, oui. Faites-vous plaisir, voilà. René. Alors, c'est une marque qui s'appelle Eoltech. Oui. Et qui me propose une solution, c'est un seul appareil, et non pas des VMC en haut, des fenêtres, etc. Un seul appareil qui est labellisé comme ventilation positive pour l'habitat. Voilà. C'est-à-dire une par surpression. Et ça éliminerait progressivement l'humidité. C'est une maison qui fait 150 mètres ouais. carrés sur 2 niveaux. Et paraît-il qu'un seul appareil suffirait pour les 2 niveaux. Alors, et vous en avez quand même pour un brin en devis ? Pas énorme. C'est-à-dire ? En gros, 5 000 euros. Bah oui, 5 000 euros, c'est quand même pas rien oui. pour un seul appareil. Alors, je vais vous faire une explication, mais je vais vous inviter à être là la semaine prochaine à l'antenne, puisqu'on va traiter tout spécifiquement, justement, de la qualité de l'air intérieur. Donc, le phénomène, oui. vous l'avez bien perçu. Vous aviez des vieilles fenêtres, il y avait une ventilation qui se faisait essentiellement oui. parce que les fenêtres n'étaient pas étanches à l'air. Vous mettez des fenêtres en PVC hyper étanches, vous mettez pas de ventilation, et là, papa, voilà. ça devient la cocotte minute. Hein. Disons l'autocuiseur pour ne pas faire de publicité. C'est exactement voilà. ça, oui. Donc, à partir de là, bah, il n'y a pas 36 solutions. Si vous pouvez, si la maison s'y prête, rien de mieux qu'une VMC, parce que c'est un système simple. Alors, VMC, simple flux, sans doute, dans votre cas. C'est-à-dire qu'en gros, on perce des ouvertures dans la maçonnerie ou dans les fenêtres, et puis on fait une aspiration. Oui. Double aussi flux. Des fenêtres, oui. Voilà, bon. Peut-être double flux, ça c'est un système qui permet en plus de réchauffer l'air que vous allez réinjecter dans la maison, l'air frais entre guillemets est réchauffé pour éviter de la refroidir. C'est souvent difficile dans les maisons anciennes parce qu'il n'y a pas le passage, il est difficile de passer les gaines qui vont rejoindre les pièces techniques les plus humides, à savoir la cuisine, la salle de bain, etc. C'est pas toujours simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On passe effectivement en surpression, c'est-à-dire là, vous mettez votre maison en dépression, c'est-à-dire que l'air est aspiré, donc votre maison est en dépression. Si vous pouvez pas faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On procède effectivement à l'installation d'une centrale de traitement de l'air, on va dire, qu'on met dans le grenier, et qui là, va souffler par un deux bouches généralement, va souffler de l'air frais qui est traité et aussi réchauffé, qui est filtré en tout cas et réchauffé l'hiver. On va détalonner toutes vos portes, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il y ait un jour dans les portes de communication qu'il y ait un jour en pied des portes. C'est ce qu'on m'a dit aussi, et puis oui. ensuite, on va refaire des ouvertures mais qui vont cette fois devoir être des ouvertures qui vont pousser l'air à sortir. C'est pas une mauvaise solution, c'est une bonne solution. Moi, ce que je dirais, c'est que malgré tout, et là, je mets tout le monde dans le même sac,

merci de me prendre à l'antenne. Je vous en prie. Voilà, ma question, c'est voilà, c'est une vieille maison où on a fait deux appartements, un au rez-de-chaussée et un à l'étage. Mmh. Et là, à l'étage, on voudrait faire un parquet flottant. Mmh. Et on voudrait surtout isoler phoniquement, parce que ça, bon, vieille maison et du carrelage, c'est, on entend tout, quoi. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que c'est le meilleur isolant à mettre? C'est... sous un parquet, sur un carrelage. Voilà, alors sous un parquet, sur un carrelage. Et votre sol, il est en quoi? Le sol, c'est du béton. C'est du béton. Ce qu'on appelle une chape à l'espagnol et le carrelage collé, quoi. Voilà, alors bon, je vais vous dire, là, de toute façon, vous êtes dans une configuration qui est optimale pour effectivement faire du bruit avec... encore que, normalement, vous entendiez beaucoup de bruit déjà avec votre carrelage? Oui, oui. Oui, oui. Bon, oui, alors, bon, je veux dire, si vous faites une rénovation lourde, c'est-à-dire si vous avez la possibilité de, à la limite, de sauter votre carrelage, de refaire une chape, l'idéal, le mieux, c'est toujours l'isolation sous chape. Hein, là, on y fait une isolation acoustique avec différentes solutions. Ça peut être de la laine de verre, de la laine de roche, des fibres polyester, polyuréthane, etc. Et là, on peut arriver à gagner 20 à 25 dB. Ce qui est véritablement le mieux. Ensuite, votre parquet, bah, si vous le mettez flottant, ça résonnera plus que si vous le mettez collé, parce que vous avez peut-être une possibilité aussi de faire un parquet collé. Alors sinon, si vous voulez directement mettre effectivement votre parquet sur la situation actuelle, si j'ose dire, c'est-à-dire sur votre carrelage, bah, là, il existe des quantités de sous-couches. Alors là, les produits varient un peu. Vous avez du liège, c'est plus pour le confort, c'est pas vraiment extraordinaire. Vous avez la fibre de bois, puis après vous avez toutes les mousses, notamment mousse de polyéthylène réticulé, il y a aussi du polyuréthane, etc. Là, vous gagnerez entre 10 et 15 dB sur les bruits d'impact, puisque ce sont, j'imagine, principalement ceux qui vous préoccupent. Donc voilà les solutions et les sous-couches acoustiques, parce que ça s'appelle souvent sous-couches acoustiques ou sous-couches phoniques, vous les trouverez allez à ce moment-là en grande surface, vous en trouverez. Sinon, allez chez un spécialiste du parquet qui sera capable de peut-être mieux vous conseiller en fonction du parquet que vous achèterez en plus chez lui. Et qu'est-ce qu'il faut regarder? Parce que j'ai regardé un petit peu, il y a quand même beaucoup de d'épaisseur, de... Ah bah regardez regardez la correction en dB, hein. C'est ça qui est le mieux. Après vous en fonctionnant que plus c'est plus évidemment pas ça forcément, va pas forcément, forcément, pas forcément, d'accord, pas forcément, parce que vous avez aujourd'hui par exemple des produits en mousse qu'on va appeler à cellules fermées qui sont extrêmement efficaces en étant plus minces que d'autres. Mais c'est vrai que globalement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de d'isolation sous chape, eh bien là, plus en évidence, si on a un peu plus d'épaisseur, ça n'en sera que mieux. Mais sur tous les produits, vous avez d'indiquer la correction en nombre de décibels par en fonction de l'épaisseur. Voilà, Gérard. Vous savez pas le maximum le maximum. En dB. Je vais vous dire, en gros, les sous-couches qu'on rapporte, en gros, c'est une quinzaine. Le maximum, c'est 15 dB. D'accord. Alors que sur, en sous-chape, on peut arriver à 25 dB, parfois même encore un peu mieux. Merci beaucoup, Gérard. Bon, il faut éviter les talons, hein. Ça, c'est le... Oui, il faut éviter les talons. Vous savez, oui, bien sûr, faut éviter. Enfin, les chaussons, ça reste le mieux pour. Non, mais c'est tout bête, mais évidemment, hein. Si on marche avec des chaussons. Si votre voisin fait du bruit, offrez-lui des chaussons, ça sera sympa. C'est sympa. Ou des chaussettes. Vous lui offrez des chaussons, ça le fera sourire. Oui. Et puis, Il comprendra qu'il y a un message un peu détourné. Voilà, avec le sourire. Merci, Gérard. On enchaîne avec Benjamin. Christian, maintenant, qui est avec nous au 32-16. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue Benjamin, on vous écoute. Allez-y. Ah ok, ça marche. Ouais, c'est je à vous. Vous appelez ? Oui, tout à fait. Je vous appelais pour avoir une belle information que vous avez l'habitude de donner. Merci. Je suis en projet de construction, en fait. Bon, je suis plus dans les plans là pour l'instant. Donc, on a fait notre plan avec mon ami et on se pose la question sur le chauffage. Donc c'est une maison qui va faire à peu près 140 mètres carrés habitable. donc d'office, vu qu'on est sous la nouvelle réglementation thermique, soit chaudière gaz ou pompe à chaleur. Oui. Vous pouvez aussi mettre du poêle à bois. En poêle à bois, en chauffage principal. Ouais. Ah oui, vous pouvez mettre du poêle à granulés, vous pouvez mettre... Attendez, hein. Arrêtons de penser que la réglementation thermique 2012 serait quelque chose de coercitif et de définitif. La réglementation RT 2012, elle aboutit à quoi ? À ce que, alors c'est assez théorique, mais que vous usiez 50 kWh par mètre carré d'énergie primaire. Alors c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais ça veut dire que c'est un résultat de consommation. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de mettre ce que vous voulez, pourvu que votre étude thermique débouche sur ces 50 donc prévus par la RT 2012. Donc, voilà. C'est par simplification que les constructeurs de maisons individuelles ou que les architectes et ensuite les constructeurs vous disent, voilà, il faut ça pour la RT 2012. C'est pas vrai. Il faut une solution qui permette d'aboutir au résultat. Donc, ne pensez pas que vous êtes simplement enfermé dans la chaudière gaz à condensation et dans la PAC. Ceci étant, une fois que j'ai poussé mon petit coup de gueule, parce qu'il y en a un petit peu marre qu'on impose aux gens et qu'on fasse des restrictions de liberté sur leur mode de construction, mais à part ça, moi j'ai besoin d'un certain nombre d'informations supplémentaires pour vous conseiller. Vous êtes en rez-de-chaussée en plein pied ou vous avez un étage ? Plein pied. Vous êtes en plein pied. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une grande distance, une assez grande distance entre l'entrée et le bout de l'appartement. Oui ? C'est vrai. Oui. Donc oui. La question ensuite, c'est quoi ? C'est de se dire est-ce que vous avez le gaz ou est-ce que vous ne l'avez pas ? Savoir, ça en dépend du prix du terrain qu'on aura trouvé. Donc soit il y aura le gaz. Le gaz, vous prenez une chaudière, vous pouvez prendre tout à fait une chaudière gaz condensation. Si vous l'avez, ce qui serait peut-être le plus simple, en tout cas, et ça peut dépendre aussi où vous êtes. Si vous n'avez pas le gaz, vous n'avez pas prendre. Enfin, vous pouvez prendre une citerne. Bon, enfin, sinon là, le mieux va être de prendre effectivement une pompe à chaleur. Je dirais, votre chauffage, ça va être quoi ? C'est des radiateurs ou c'est du plancher chauffant ? Ah non, c'est plancher chauffant, ouais. Plancher chauffant, alors là, vous avez tout intérêt à prendre une pompe à chaleur reversible qui vous permettra aussi de faire un plancher rafraîchissant. Voilà, moi, à vue de nez, hein, le conseil que je vous donnerai. Merci beaucoup, Benjamin, et plein de bonnes choses dans votre projet de construction de maison. C'est toujours un moment passionnant. Oui. Christian, on va revenir après la météo des infos, bientôt 9h sur RMC. Notre deuxième partie dédiée à la maison sera consacrée au risque d'incendie. Comment se protéger et protéger sa maison ? On en parlera avec Christian et bien sûr avec nos invités et vos questions sur ce sujet dès maintenant. N'hésitez pas, 3216, maison@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, laissez-nous votre numéro de téléphone. Comme ça, on peut vous rappeler dans quelques instants. A tout de suite. RMC, 8h-10h. Oh. Votre maison. Auchan s'engage contre le réchauffement climatique et ça va intéresser les propriétaires qui veulent faire des travaux d'économie d'énergie. On en parle aujourd'hui avec Gilles Tournier, responsable du programme. Alors Gilles, c'est quoi la prime éco-énergie d'Auchan ? Eh bien, c'est une prime versée directement sur la carte de fidélité Auchan pour financer une partie des dépenses de rénovation énergétique comme l'isolation et le chauffage. Vous pouvez recevoir jusqu'à 2000 euros d'aide, en plus de certaines aides de l'État. Et comment on fait pour en bénéficier donc ? Alors très important, avant d'engager les travaux, il faut s'inscrire sur le site Prime Énergie Auchan. Vérifier que vos travaux sont éligibles, puis choisir un professionnel RGE. Quand les travaux sont faits, c'est très simple. Vous envoyez votre dossier complet et quand il est validé, la prime est versée sur votre carte Auchan. Génial. Donc, on peut dire que la prime éco-énergie d'Auchan fait baisser le prix des courses. Exactement. Et vous pouvez connaître à l'avance le montant qui vous sera versé avec le simulateur de prime sur le site primeénergieauchan.fr. Gilles Tournier, merci. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Avec l'UFC Que Choisir, réduisez vos factures de gaz ou d'électricité. Inscrivez-vous sur choisirensemble.fr. Je me suis inscrite il y a 2 ans pour le gaz et j'ai économisé plus de 200 euros sur 1 an. Avec en prime, un contrat sûr et l'accompagnement de l'UFC Que Choisir. Au début, j'étais méfiant. Mais c'est simple, avec à la clé de sacrées économies. Cette année, je m'inscris aussi pour l'électricité. Avec l'UFC Que Choisir, mobilisons-nous. Soyons plus pour payer moins. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement sur choisirensemble.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous n'avez jamais eu envie de changer de perspective, de bouger les lignes, de faire des vagues? Avouez. Eh bien, chez Saint-Maclou, pendant l'opération Osez les motifs, vous allez pouvoir le faire. Découvrez un choix incroyable de motifs sur les vinyles, tapis, moquettes, tissus, papier peint. En plus, en ce moment, profitez de 15 euros offerts tous les 100 euros d'achat sur des milliers de produits. 15 euros de remise immédiate tous les 100 euros d'achat. Un motif de plus pour venir chez Saint-Maclou. Offre valable du 15 au 19 septembre, voire conditions dans votre magasin Saint-Maclou. GPS, caméra de recul. Non, franchement, elle est canon ta nouvelle Volkswagen. Tiens-toi bien, entièrement connecté. Bon, allez, tu la vends combien? Je la vends pas, je viens de l'acheter. Non mais t'as déjà quelqu'un sur le coup, c'est ça? C'est Michel. Michel, il est à Cancun. Difficile de résister. En septembre, la Golf Sportsvan All-Star suréquipée est à 300 euros par mois, entretien et garantie inclus. Location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier rapport de 2 257 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Porte ouverte ce week-end selon autorisation et réseau participant. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50 euros d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et c'est avec Kevin Floury qu'on fait un point complet sur la météo de votre week-end. Kevin, bonjour. Bonjour, avec en effet toujours un temps mitigé, des averses assez importantes en ce moment, des frontières belges en redescendant vers le sud-est de l'Île-de-France. Beaucoup de pluie également sur les Savoies en ce moment, la vallée du Rhône impactée toute la journée, quasiment. Attention à ce vent fort également le long de la Méditerranée, alors qu'on conserve un très très beau temps, en tout cas de belles éclaircies, de beaux passages ensoleillés sur la moitié ouest, entre les côtes nord, des côtes d'Armor, redescendant vers le golfe de Gascogne. Concernant les températures fraîches cet après-midi, pas plus de 14 degrés la maximale pour Aurillac, 15 degrés à Saint-Etienne, 17 à Dijon, Grenoble et Paris, il fera 19 degrés à Caen, Bayonne, Pau et Poitiers, 21 degrés pour Nantes et Strasbourg, 24 à Nîmes et jusqu'à 27 degrés pour Bastia. La suite demain dimanche avec finalement le même type de temps, toujours cette instabilité sur le pays, sauf sur les régions de l'ouest comme en Bretagne ou sur la partie orientale de la Méditerranée avec du plein soleil, température moyenne annoncée demain de 21 degrés dans le nord comme dans le sud. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec football, les matchs de la première ligue anglaise. 14h45, rugby top 14, Lyon-Toulouse. 15h, tennis, demi-finale de la Coupe Davis, le double, Croatie-France. Et Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Singapour. 17h, intégral foot Ligue 1, Monaco-Rennes. Et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 9h, toute l'actualité, Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, les forces de l'ordre vont devoir s'expliquer sur ce qu'il s'est passé jeudi lors de la manifestation contre la loi travail. Un des participants a perdu un œil. C'est le vrai lancement de sa campagne présidentielle, les estivales de Marine Le Pen. C'est le nouveau nom des universités d'été du FN et ça commence aujourd'hui à Fréjus. Et puis un double décisif pour reprendre l'avantage, demi-finale de Coupe Davis de tennis, la France et la Croatie sont à égalité un partout. Il est 9h sur RMC, bonjour à tous. Allez, le tennis pour commencer. C'était aujourd'hui que la France doit prendre l'avantage donc sur la Croatie. Un partout après les simples d'hier, demi-finale de Coupe Davis et le double. Aujourd'hui, Mahut Herbert, numéro 1 mondial, doit gagner. C'est l'espoir du coach Yannick Noah. Ce qui compte, c'est leur cohésion, c'est leur jeu. Voilà, c'est leur jeu. C'est sûr que quand tu sors d'une saison comme celle-là, t'as gagné des matchs, tu engranges de la confiance, tu as moins de doutes. Le problème, ça va être tes adversaires. Le problème, c'est que c'est, en face, ça joue bien, quoi. C'est tout. On fait tout ce qu'on peut. On essaie d'anticiper tout ce qu'on peut, préparer du mieux possible. Et puis après, voilà, tu rentres sur le court et puis place à la folie. Et il faudra faire justement avec l'ambiance croate. Les Bleus ont testé hier Camille Gelpi, ambiance pour le moins hostile. Voilà à quoi ont eu droit les Français après pratiquement chaque service raté, même sur la balle de match, ce qui a agacé un peu Yannick Noah. Normalement, on fait jouer le point, mais bon. Comme à son habitude, il restait philosophe. On s'adapte, on sait que c'est ça. Les Français étaient prévenus et Richard Gasquet sait même que ça va s'empirer. Je pense que ce week-end, ça risque de faire mal aux oreilles, mais bon, on est préparé à ça. Quoi. Même pragmatisme du côté de Lucas Pouille. Ça fait partie du truc, ils ont la chance d'être à la maison. Il faut faire avec, il faut les battre sur leur propre terrain. Il y avait même de quoi s'émouvoir pour Noah en entendant ça. Ce public musique croate qui se met à chanter à la fin. Moi, je trouve ça très beau. C'est ça la Coupe Davis. Voilà le reportage de Camille Gelpi. La suite de l'actu sport, le foot notamment, ce sera la fin de ce journal. Fin de manifestation jeudi à Paris, place de la République. C'est à ce moment, semble-t-il, que l'un des participants a été sérieusement touché par l'explosion d'une grenade lacrymogène, sérieusement touché parce qu'il a perdu l'usage d'un œil. Laurent Théron, c'est son nom, il témoigne ce matin. J'ai perdu la vue au niveau de l'œil droit, c'était ma crainte en fait. Depuis le départ, je vais tout faire en tout cas pour que justice soit faite, qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Je suis papa de deux enfants, c'est monsieur tout le monde qui peut perdre un œil aujourd'hui à une manifestation pacifiste en plein Paris. La police des polices a donc été saisie, des forces de l'ordre qui elles aussi témoignent des violences qu'elles subissent. L'image est impressionnante, un cocktail Molotov lancé par un manifestant et un policier dont les vêtements prennent feu. Ce policier, c'est Olivier CRS qui lui aussi veut s'expliquer. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur. Un cocktail comme ça que vous recevez dans les jambes, j'ai cru que j'étais en feu. Quand on balance des cocktails Molotov sur des fonctionnaires de police, d'un point de vue personnel, je pense que c'est criminel. On est tous des pères de famille, hein. Donc ça aurait peut-être pu toucher une personne avec des gosses. Moi, j'ai des enfants à la maison. Voilà, témoignage recueilli par nos confrères de BFM TV. Le mineur de 15 ans arrêté mercredi dernier à Paris a été mis en examen hier soir. Mis en examen puis écroué, il fait partie des 4 adolescents arrêtés depuis 10 jours, tous soupçonnés de vouloir commettre des attentats. La souffrance des restaurateurs, c'est l'une des conséquences des récents attentats. Le touriste se fait rare et c'est l'industrie de la restauration qui en paie le prix. Un chiffre, en 4 ans, 17% des restaurants ont dû fermer leurs portes. Et le phénomène est bien plus fort depuis novembre dernier, depuis les attentats de Paris, c'est le constat fait par Bernard Boutboul du cabinet d'études Gera Conseil. Derrière le 13 novembre, on a constaté quelque chose qui est très problématique, c'est que entre le 13 novembre et fin janvier, la restauration à Paris a décroché d'environ 40 à 45%, lorsqu'elle décrochait en province de 5 à 15%. Et à partir de janvier, février, jusqu'à aujourd'hui, on constate que la province est revenue à des niveaux de fréquentation tout à fait normaux, voire meilleurs d'ailleurs. En revanche, Paris ne s'est absolument pas relevé de cette problématique. C'est une ville qui est évitée, c'est vrai, pour aussi bien le business que pour les loisirs. Et Bernard Boutboul avec Milena Payon. La politique ce week-end, le Front National qui est à Fréjus dans le Var pour vraisemblablement lancer sa campagne présidentielle. Jusqu'à 5000 personnes attendues sur place. Marine Le Pen tiendra son discours demain dimanche. Louis Alliot, vice-président du parti, nous fait le programme ce matin. C'est à la fois programmatique, mais c'est aussi un grand meeting de Marine Le Pen dimanche pour évoquer les grands sujets qui vont marquer cette campagne présidentielle. Alors, les autres sont englués dans des affaires de primaire interne pour savoir qui va mener le combat dans 6 mois. Eh bien, écoutez, nous avons déjà notre candidate. Nous avons le projet qui est prêt. Reste maintenant ce que nous allons faire, à le décliner auprès de nos concitoyens, car c'est auprès de nos concitoyens que la campagne se passe et non pas auprès des adhérents des partis. C'est cela que nous lançons à Fréjus. Et le meeting de Nicolas Sarkozy, c'était hier soir, toujours dans le sud-est à Mandelieu-la-Napoule. Discours très à droite du candidat à la primaire, les Républicains, invitant ceux qui veulent porter ou faire porter le burkini à quitter le pays. La France ne peut pas accepter des coutumes contraires à son mode de vie, expliquait-il à la tribune. Un week-end dédié aux curieux, journée européenne du patrimoine, ça commence aujourd'hui. 17 000 lieux à visiter gratuitement partout dans le pays, 26 000 animations organisées. Alors il y a les grands classiques, musées, églises ou même l'Élysée, et puis il y a les lieux historiques en rénovation, où les bénévoles veulent faire connaître leurs activités. C'est le cas notamment à Brie-Comte-Robert, Constantin de Vergennes. Parmi ses bénévoles, Louis, très fier du mur qu'il construit depuis 2 semaines. Là, il y a une pierre qui doit faire un kilo ou deux. Celle-là, elle doit en faire une vingtaine. Voilà, il y a toute une variété de pierres. Le mortier, c'est de la chaux et du sable. Et c'est comme ça que c'était fait à l'époque, en fait. Ils sont une dizaine à redonner vie à ce château du XIIe siècle. Initiative essentielle pour le patrimoine français. Selon Angélique, elle encadre le chantier. Et l'idée, c'est de les sensibiliser au fait qu'il faut le restaurer pour pouvoir le transmettre après. Donc on va utiliser les outils de l'époque pour arriver à continuer à transmettre ces gestes aussi qui, pour nous, font partie du patrimoine. Ces bénévoles attendent beaucoup des journées du patrimoine. Martine Piechazic est la présidente de l'association des Amis du Château. L'essentiel n'est pas d'aller voir une salle dorée avec des bois dorés. L'important, c'est d'aller voir comment vit un monument et comment on peut continuer à le faire vivre à l'heure actuelle. Si les vieilles pierres ne vivent pas, ce n'est plus du patrimoine à mon avis. À l'occasion des journées du patrimoine, des animations et des visites guidées sont prévues tout au long du week-end. Le reportage de Constantin de Vergennes, 9h06 sur RMC. 6-0, ce n'est pas du tennis, c'est bien du football et on a retrouvé le PSG qui ne fait pas de cadeau hier sur la pelouse de Caen. C'était le cas en tout cas à Paris, intraitable et son attaquant décrié qui marque 4 buts, Edinson Cavani à son meilleur niveau et ça n'étonne pas son défenseur Thomas Meunier. Si moi j'étais président de club, c'est le genre d'attaquant que je paye une fortune pour avoir dans mon équipe. Eddie, c'est un joueur qui travaille pour le groupe, c'est pas un égoïste. Devant le but, on connaît ses qualités à l'entraînement, il a jamais une occasion presque. Bon voilà, maintenant il y a la pression des matchs, c'est pas toujours évident. Et puis depuis le départ de Zlatan aussi, c'est impossible pour lui de se mettre encore plus en valeur, malgré le fait qu'il jouait très très bien les années antérieures. Donc voilà, c'est une nouvelle chance pour lui de pouvoir encore monter des échelons. Et voilà, non, tout le monde dans le groupe est très heureux pour lui. Et la suite de cette cinquième journée de Ligue 1, c'est aujourd'hui avec dès 17h le co-leader Monaco qui reçoit Rennes. Et puis la Formule 1 à 15h cet après-midi sur RMC, les qualifications du Grand Prix de Singapour. La Formule 1 qui ouvre une nouvelle ère ce week-end. La compétition a été rachetée cette semaine par un Américain et le pilote Nico Rosberg a beaucoup d'espoir. Je m'attends à une révolution un peu, parce que on est dans un nouveau monde maintenant, hein, avec toutes les médias comme YouTube et tout ça, et on peut faire un peu mieux pour être un peu plus facilement vu, hein, pour tous les jeunes comme moi, hein, qui est sur l'ordinateur, et quand il y a la moto, par exemple, la course, en direct, je la regarde pas. Mais le soir, après, je veux le rechercher et j'aimerais bien regarder la course tac-tac, comme ça. C'est un bon exemple, hein, parce que moi, je suis comme ça aussi. Il faut être un peu plus révolutionnaire et repenser l'idée un peu. Voilà, le pilote Nico Rosberg avec Louis Amar. Le départ du Grand Prix, 14h demain, à suivre en intégralité sur RMC. 9h08, les courses pour terminer et les pronostics de la Dream Team, François. Tiens, c'est Quartet Quintet Plus à Maison Lafitte, Thomas et Sébastien Arras tentent un coup de poker. Avec le 6, Royal Vati et le 15, Feel Alive. Brahim Asloum lui aime bien le 10, Mon Dieu. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As Magari, le 2, Jaref. Le 6, le 15, le 10, l'As et le 2. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Attention, dans un instant, deuxième partie de ce week-end des experts maison. Merci d'être là. Nous allons évoquer, en compagnie de Christian PC, nos invités, des risques d'incendie dans la maison. Comment se protéger? Protéger sa maison. 3216, maison@rmc.fr. À tout de suite. Avocat distingué cherche crevettes élégantes pour faire une rentrée très classe. Justement, chez Grand Frais, les crevettes entières cuites réfrigérées sont à 11,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 17 septembre, 40 à 50 pièces au kilo élevées en Équateur et autres pays, élaborées en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile Free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile Free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Pendant ce temps chez Renault, bienvenue aux portes ouvertes French Touch. Du 15 au 19 septembre, venez découvrir la toute nouvelle Renault Clio avec son design encore plus séduisant. Et à cette occasion, la French Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Du 6 au 18 septembre, chez Intermarché, c'est la foire au vin. Nos œnologues ont sélectionné le meilleur de toutes les régions de France pour vous proposer plus de 800 vins d'exception. Des petits crus, des grands millésimes, des coups de cœur. Et vous profitez en plus de 10% en avantage carte sur cette sélection des 50€ d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Le week-end des experts maison, c'est reparti. Merci d'être avec nous et merci de nous suivre comme chaque samedi et dimanche, vous le savez, avec les meilleurs experts de France. Après le jardin, c'est la maison donc. Et demain, dimanche, je serai là dès 6h en compagnie de Laetitia Barlerin pour les animaux, 6-8. Et puis ensuite, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau entre 8h et 10h. Christian, pour cette deuxième partie, on va s'intéresser aux incendies domestiques. Oui, aux incendies domestiques, aux incendies de maison en général. En 2015, j'ai cherché un petit peu les stats, comme on dit. 263 000 incendies, c'est quand même même tout à fait spectaculaire. 100 morts et alors, 10 000... Alors, de tailles diverses, bien sûr. Oui, bien hein. sûr, mais enfin, quand même, 100 morts et 10 000 blessés. C'est ce sont incroyable. Les chiffres que j'ai. Je ne sais pas si... En France. Nos invités... En France. Je ne sais pas si nos invités les confirmeront. Enfin, c'est ceux que j'ai trouvé dans quelques sites. Non, ça vous semble un petit peu... Alors, on a déjà nos pompiers qui dit. Voilà, parce que alors, pour vous préciser, oui. on a deux pompiers avec nous qui sont donc... Donc, on ne risque pas grand-chose, voilà, là, on je risque pense, pas hein, grand-chose. Non, le commandant Serge Ballester, vous êtes chef de mission recherche et cause des circonstances d'incendie avec un programme qui est le programme Prévince. Et puis Frédéric Portet qui est lui capitaine de pompiers, conseiller technique départemental de la spécialité feu de forêt. Vous êtes tous les deux du Val d'Oise. C'était pas loin, hein, vous pouviez venir donc facilement. Et puis on a avec nous aussi Jean-Marie Mussa, directeur départemental, directeur commercial, pardon, et marketing de Lifebox. Lifebox, c'est une entreprise française. Fabricant en France, c'est ça? Oui, exactement. Donc, de matériel domestique, on va dire, pour la lutte et la prévention, en tout cas la prévention avant tout, et la lutte contre l'incendie, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, rappelons aussi que les détecteurs de fumée sont obligatoires depuis pas mal de temps. Pas depuis pas mal de temps, c'est quoi? C'est deux ans maintenant? Oui, c'est depuis. C'est pas mal de temps. C'est depuis début 2015. Hein oui, début 2015, on en avait parlé. Voilà, on avait ici participé à la lutte pour que justement cette obligation soit véritablement appliqué le plus tôt possible. Messieurs les pompiers, donc mes chiffres sont quoi? Sont un peu inférieurs en nombre de morts par an à cause d'incendies domestiques. On est plutôt sur un chiffre communément admis autour de 600 morts. Ah bon, alors voilà, dites-moi. 600 morts par an. Ah, 600 morts par an. 600 oui. morts par an. C'est incroyable. 10 000 blessés, c'est correct. D'accord, c'est correct. Bon, ben voilà, je vais pouvoir passer mon certificat d'admission chez les pompiers, puisque maintenant j'ai été corrigé dans mes chiffres. C'est très bien. Oui, effectivement, beaucoup d'incendies cette année. Alors, on va effectivement commencer par cette question des feux de forêt. Donc, c'est pour Frédéric Portet, donc capitaine de pompiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on entend tout, on a vu tout et son contraire, on a vu des reportages à la télé qui parfois sont contradictoires. Parce que c'est vrai qu'à Marseille récemment, hein, voilà, c'est au nord de Marseille, hein, c'est pays pas... Marseille, ouais. Il y a eu des incendies qui ont 25 maisons hein, qui ont brûlé, hein. Léché les maisons, enfin et plus que léché, certaines se sont fait oui, brûler, voilà, c'est hein. ça. Typiquement, est-ce qu'on peut éviter ce genre de drame? Alors déjà, pour apporter quelques éléments factuels hein, sur le feu de Marseille. Alors il y a eu deux feux en périphérie de Marseille. Le premier, effectivement, aux alentours des 10 août, où on a eu un feu sur la commune de Rognac, qui a impacté également deux autres communes, Vitrolles et Les Pennes-Mirabeau, qui a fait donc 2600 hectares et qui a nécessité l'engagement de 1200 sapeurs-pompiers, dont 600 locaux. Voilà, mais les conditions étaient extrêmes, encore une fois. Hein. Le taux d'hygrométrie, donc l'humidité dans l'air, était extrêmement bas, la sécheresse du végétal était très importante, le vent soufflait avec des rafales de 160 km/h, donc nous étions dans des conditions extrêmement difficiles. Toutes les conditions étaient réunies alors, malheureusement pour faire cette surface bon, brûlée. Je suis chez moi, je vois qu'il y a de la fumée qui arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut s'en aller tout de suite? Est-ce déjà détecter pour voir si c'est pas un barbecue. Oui, c'est ça. Alors, mais... Les habitants doivent être à nos côtés pour nous aider justement à lutter. Et la première des choses qu'ils pourraient faire quand ils sont en périphérie habitat interface forêt comme cela, c'est tout simplement assurer déjà un débroussaillement efficace. D'accord. Voilà, donc mais c'est très important parce que le feu lui, il va aller effectivement brûler l'ensemble des combustibles qu'il va trouver sur son chemin. Il y a très longtemps qu'on le dit ça. Oui, bien sûr, c'est dans le code forestier depuis des obligations d'ailleurs. Ça a été renforcé encore en 2011 dans le code forestier. Donc vous avez effectivement des zones pyrorésistantes qu'il va falloir créer. Effectivement de veiller à ce que ça soit fait et on est sur des périmètres de 50 à 100 mètres autour d'accord. de la maison. Ça c'est la prévention. Oui, tout à fait. Alors je repose ma question, il y a de la fumée qui arrive, j'aperçois des flammes, qu'est-ce que je fais? Donc, en France, la doctrine, c'est la maison doit être le refuge. D'accord. Donc, on se réfugie à l'intérieur de sa maison, on ferme les volets, nous enlevons pourquoi tous les matériaux. En France, dans certains pays, c'est différent. Absolument, les doctrines sont différentes. Vous savez bien que la législation n'est pas la même partout. D'accord. Donc, en tout cas, pour le pays qui nous occupe aujourd'hui, l'émission qui nous occupe aujourd'hui, effectivement, la volonté aujourd'hui, c'est que l'habitant soit en sécurité dans sa maison. Et moi, ça doit être sérieusement anxiogène. Il faut avoir véritablement une confiance aveugle dans vos services, si j'ose dire. Mais typiquement, quand on reprend l'exemple de Marseille où il y a eu des dizaine de maisons brûlées. Alors, donc 20 très exactement, une vingtaine. D'accord. Pour être très exact. C'est quand même 10 fois moins par rapport au feu de 2003. Donc, on voit que la prévention a avancé dans ce domaine avec les années et que cette politique aujourd'hui, on en voit les effets. D'accord, mais alors, qu'est-ce que je fais? J'attends tranquillement chez moi, si j'ose dire. Je dois commencer à avoir drôlement les jetons, pardonnez-moi l'expression. Alors, et on attend que vous donniez des instructions. Comment elles se donnent, ces instructions? Parce que j'imagine, alors, à part si on a un GSM, il n'y a pas de téléphone, il n'y a plus d'électricité. Alors, une fois que nous sommes mis à l'abri, effectivement, oui, dans la maison, qu'on a fermé les volets, que tous les matériaux combustibles à proximité ont été rentrés, comme le barbecue, la bouteille de gaz, oui, ou c'est autre, préférable. Il va falloir effectivement passer l'alerte. Et ça, c'est très important de passer l'alerte, effectivement, via le 18, le 112. Les consignes de sécurité, elles peuvent être transmises par la radio. Elles peuvent être transmises par des applications aujourd'hui, pour des applications smartphone, hein, qui sont de plus en plus aujourd'hui mises en avant. Et donc, à travers ces informations-là, il y a une possibilité d'alerter et donc de faire venir les services de secours. Donc, il va falloir favoriser leur venue aussi. Oui. Les voies d'accès doivent être également dégagées, bien évidemment. Laisser tout simplement le portail ouvert. Oui. Si vous avez une piscine avec une motopompe, ça va nous aider aussi. On va pouvoir s'alimenter pour pouvoir protéger le lotissement ou le pavillon concerné. D'accord. Et à partir de quel moment il faut partir? Quand les autorités vont le décider. L'évacuation, c'est une décision qui se prend par les autorités locales. Oui, mais s'il n'y a pas d'autorité locale autour, par exemple. Ou le préfet ou son représentant. Mais s'il n'y a personne autour? Enfin, si personne nous le dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? À quel moment faut-il s'inquiéter, se dire « il faut qu'on parte » ? De toute façon, nous avons répertorié au sein de chaque département à risque, donc les départements de l'Entente, le pourtour méditerranéen, les Landes, nous avons des cartographies très précises avec des zones d'habitation identifiées, donc les zones à risque, nous les connaissons. Il y a également les moyens aériens qui seront engagés très rapidement, puisque c'est la doctrine française aussi, engagement d'un maximum de moyens sur les départs de feu. Donc les Canadairs. Les Canadairs, les Trackers, les Dash, les hélicoptères, la sécurité civile. Ça vaut le coup aussi ? On va pouvoir identifier très rapidement quels vont être dans les faibles moments, très laps de temps, quelles vont être les maisons qui vont être touchées en premier. D'accord. D'ailleurs, dans les feux de forêt, là, il n'y a eu aucune victime cette année. Alors, quelques blessés, malgré tout. J'ai une pensée, si vous permettez, pour mes collègues, malheureusement, de l'Hérault, quatre collègues qui ont été durement touchés et brûlés, donc j'ai une pensée pour eux et leur famille. Nous aussi. Très bien. C'est important. C'est difficile. On a perdu également une collègue sapeur-pompier volontaire l'année dernière, en 2015. Enfin bon, voilà, c'est un risque important qui, malheureusement, laisse quelques traces. Est-ce que ça vaut le coup d'arroser sa façade, par exemple? Arroser sa façade, tout à fait. C'est une action qui peut être menée à partir du moment où la personne, effectivement, voit que le feu va arriver à un moment donné sur sa maison. Elle peut tout à fait utiliser une motopompe si elle a un système d'arrosage, commencer à arroser. Maintenant, si la fumée lui arrive dessus, elle va très vite s'en apercevoir. Et là, il faut très très vite se réfugier effectivement dans sa maison, alerter et attendre les secours. D'accord. On revient dans un instant, messieurs. 9h20, on parle d'incendie domestique ce matin dans ce rendez-vous maison sur RMC. Et on vous attend 3216 ou bien maison@rmc.fr. On aura Eric, tiens, justement, qui habite dans un chalet en bois. Il aimerait vous poser une question. On le retrouve dans une minute. À tout de suite. RMC jusqu'à 10h. Votre maison. RMC. Deux petits points séparent Nico Rosberg de Lewis Hamilton, leader du classement pilote. Ce week-end, les Formula roulent de nuit à Marina Bay pour le Grand Prix de Singapour. Cet après-midi à 15h, les qualifs. Et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Le mois Carrefour. Et ils sont toujours aussi renversants, les deals du jour, pendant le mois Carrefour. Mais c'est clair. D'ailleurs, regarde, aujourd'hui, l'imprimante multifonction Canon est à seulement 34 euros au lieu de 59,99 €. Alors attache bien ta ceinture, parce que ça va partir très fort. Pendant le mois Carrefour, les deals du jour, c'est tous les jours une offre renversante. Aujourd'hui, dans vos hypermarchés Carrefour et sur carrefour.fr, l'imprimante multifonction Canon est à 34 euros au lieu de 59,99 €. Référence MG 3550. Carrefour. Du 10 au 20 septembre, chez Ford, profitez d'un crédit à 0% sur la... Hop, il m'en faut plus. J'aimerais une musique western. Crédit à 0% sur la gamme et plein d'offres exceptionnelles. Et avec une voix de film américain. Ok, Ça biche, mec ? Chez Ford, on n'en a jamais autant fait pour vous. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 36 mensualités de 277,78 €. Montant total du 10 000 euros, coût du crédit pris en charge par Ford Crédit, c'est acceptation du dossier selon stock disponible. Va sur Ford.fr, mec ! Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86 € le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94 € le kilo. Cathy ? J'aime. Et ? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert, 2,37 € les 830 grammes. Biscottes Lidl, 1,55 € les 800 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Allopneus.com. Difficile de choisir le bon pneu? Le pneu Michelin Cross Climate s'adapte à toutes les conditions. Hiver comme été, avec le pneu Michelin Cross Climate, vous êtes en sécurité toute l'année. Commandez et faites monter vos pneus Michelin Cross Climate sur allopneus.com. Chez allopneus.com, tous nos centres de montage sont certifiés. Et il y en a forcément un, à moins de 5 km de chez vous. Jusqu'au 27 septembre, achetez 4 pneus Michelin Cross Climate et bénéficiez du montage offert. La sécurité par tous les temps avec Michelin. Conditions sur allopneus.com. Allopneus.com. Vente et montage de pneus. RMC jusqu'à 10h, votre maison... François Sorel, Christian Pesset. Le retour du week-end des experts maison et on parle d'incendie ce matin. Je vous invite tout de suite à accueillir Eric qui est avec nous au 32-16. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour, bonjour les experts. Bonjour. Vos invités et bonjour aux auditeurs. Bonjour, je suis complètement dans le thème. Bien, et j'ai un avis, j'ai besoin de votre avis sur une idée qui vous semblera... soit judicieux, soit complètement loufoque, notamment en raison des risques électriques. Voilà, j'habite dans un chalet constitué principalement, évidemment, de bois, entouré de grands sapins, et je suis sensible aux risques incendies. Et j'envisage d'installer dans mon grenier, de répartir dans toute la surface de mon grenier, des bonbonnes d'eau, de 6, 8, 10, peu importe, mais qui pourraient fondre lors d'un déclenchement de feu. Est-ce que c'est judicieux ? Alors d'abord, votre chalet, c'est quoi ? C'est pas de l'ossature bois, c'est vraiment du chalet avec de la planche épaisse ? Exact, ouais. Bon. Le grenier, c'est des poutres avec des voliges. Oui, oui, bien sûr, mais les murs eux-mêmes et l'ossature, c'est de l'épais, c'est pas... Oui. Oui, c'est de l'épais. Oui, d'accord. Oui, c'est de l'épais. Bon, moi, alors déjà, je vous dirais, avant de passer la parole à nos invités, je vous dirais que les maisons bois sont pas celles qui brûlent le plus. Paradoxalement, on pourrait l'imaginer parce qu'il y a le syndrome des trois petits cochons. Mais la maison bois, c'est en général celle qui résiste le mieux. Le bois ne va pas brûler. Ben non, parce que ça s'enflamme pas comme une allumette. Alors là, je passe la parole à nos amis pompiers, à Serge Ballester, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une maison à ossature métallique est bien plus, par exemple... Bien plus instable. Bien plus instable, une ossature métallique avec des panneaux béton pour ne pas allumer, c'est plus sensible au feu, plus instable qu'une maison bois. Oui, bien sûr. Sur la stabilité, il n'y a pas de problème avec le bois. C'est sûr que le bois est un combustible. Par contre, le feu, pour se développer, il a besoin d'oxygène. Donc, ce monsieur, il a une idée d'extinction automatique à eau. Donc, c'est pas mal pour Ne vous moquez pas, parce que on y viendra peut-être après, hein, oui. Sur de l'extinction automatique à eau dans les maisons, dans quelques années peut-être. Mais c'est pas une mauvaise idée, mais c'est une idée qui a vocation à vouloir éteindre un feu, lutter. Alors, la priorité quand il y a un feu dans une maison, c'est qu'il n'y ait pas de victimes. Voilà. Et pas de victime, ça veut dire qu'il faut évacuer. Donc, c'est un peu le contradictoire avec ce que vous me disiez tout à l'heure. Non, mais quand le feu est à l'intérieur de la maison. D'accord, là, on est plus sur les feux de forêt, qui est un feu qui vient d'extérieur et qui, voilà. Là, on est sur le feu à l'intérieur de la maison. Et, vouloir éteindre le feu, c'est pas la priorité. C'est déjà ce que tout le monde soit, en bonne santé. Et puis, avant que ça fasse fondre des bonbonnes, la maison est brûlée, déjà. Et le feu ne pourra pas se développer s'il n'a pas d'oxygène. Donc, en fait, il est beaucoup plus performant et efficace de fermer des portes et fermer des fenêtres plutôt que d'essayer de balancer de l'eau. D'accord. Parce que si le feu ne peut pas respirer, il va produire de la fumée, mais il n'y a pas d'oxygène dans les fumées et le feu a besoin d'oxygène. Donc voilà. Ouais. Donc, mais ces fumées sont nocives, c'est ça le souci. Ah bah, elles sont toxiques, même plus que nocives, elles sont vraiment toxiques. On parlera tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il faut en même temps évacuer. Hein. Voilà, faut des pas questions, les de questions sur la santé. Donc on est d'accord que quand on a un feu à l'intérieur de la maison qu'on ne maîtrise plus, pour une raison ou pour une autre, parce que voilà, on s'en va. Oui, tout à fait. Les fumées sont très toxiques et on ne peut pas les maîtriser. Autant on peut essayer d'éteindre des flammes, voilà, oui. Si on sait faire, si d'accord. On a été formé, si on n'est pas en panique. Mais les fumées, on ne peut que s'en prémunir, on ne peut que s'en protéger grâce à des obstacles.

décisif cet après-midi en Croatie, demi-finale de Coupe Davis, un partout entre l'équipe de France et les Croates. Gasquet a porté le premier point, par contre Lucas Pouille a perdu hier soir. Le football et le PSG qui redevient le PSG, victoire 6-0 hier soir à Caen, début de la cinquième journée de Ligue 1, avec la suite aujourd'hui notamment Monaco, le co-leader, qui reçoit Rennes, 9h31 sur RMC. Vous êtes avec Christian Pessé et François Sorel, votre maison. Oui, Christian Pessé qui habite à Caen, 6-0, c'est pas facile. Oula, c'est dur, non, ça. Non, mais là, il est... Mais oui, je suis assez effondré. Le profil bas, hein, ça se voit d'ailleurs. Christian Pessé, faites attention. J'habite pas loin du stade, alors. Là, ça a dû être muet, parce que d'habitude, en fin de... Vous avez bien dormi cette nuit, il n'y a pas de bruit. Non, mais ça va, j'étais à Paris, là. Thomas, merci, on se retrouve demain. À demain. Bien sûr, et on repart tout de suite dans notre rendez-vous maison spéciale incendie, jusqu'à 10h avec nos invités. 32-16 pour nous joindre. RMC. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Question PC, attention. Oui, François Sorel. Vous le savez. Mais oui. Vous y avez droit. La question flash. Vous ne pouvez pas y échapper. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Frédéric. Oui. Notre maison est construite en limite de propriété avec le terrain de notre voisin. Oui. Or, nous sommes en mauvais terme avec lui. Nous devons refaire la façade de ce côté. Il refuse de nous laisser accéder et bien sûr d'installer des échelles et un échafaudage. Ouais. En a-t-il le droit, Christian ? Que faire ? Alors, je vais faire un peu une réponse de Normand. Je vais dire oui et non. Non. Et finalement, non. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, il ne peut pas refuser l'accès. C'est ce qu'on appelle le droit de tour d'échelle. Pas d'échelle de pompier, évidemment, mais d'échelle toute simple, qui est souvent, d'ailleurs, inscrit dans les servitudes de l'acte de propriété, mais pas toujours. Alors, quelles sont les conditions pour qu'on puisse l'obliger, ce voisin, à vous laisser passer avec des échelles ou des échafaudages ? Eh bien, il faut que vous ne puissiez pas faire ces travaux sans accéder à son terrain pour installer notamment ces fameuses échelles et ces échafaudages. Alors, en fait, il ne peut pas vous refuser cet accès, mais il faut d'abord lui en demander l'autorisation. Il faut la lui demander par écrit, par lettre recommandée avec une cuisée de réception, notamment indiquant la durée des travaux, la date et le moment où vous passerez sur son terrain. Ça peut entraîner une possibilité donc d'indemnité, de privation de jouissance, puisque pendant ce temps-là, eh bien, il ne pourra pas utiliser votre voisin son terrain. Il faudra aussi évidemment que vous preniez en charge les frais de remise en état, parce que souvent lorsqu'on installe un échafaudage et puis que l'on fait des travaux de façade, eh bien évidemment on va laisser un certain nombre de cochonneries. Il va falloir évidemment les récupérer. Alors s'il refuse, puisqu'il est, vous êtes en mauvais terme, eh bien il faudra saisir le tribunal de grande instance avec un avocat. Oulala. Et là c'est le juge qui vous donnera une autorisation temporaire. Ouais, c'est pas gagné là. Hein. 32-16 hein, pour toutes vos questions maison sur RMC. On vous attend, à tout de suite. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pessé. Il est 9h35, le retour du week-end des experts, la maison jusqu'à 10h, et puis ensuite vous retrouverez les GG du sport avec Christophe Cessieux et Serge Simon jusqu'à 13h. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. On parle d'incendie domestique ce matin, Christian, avec nos invités. Et pas mal de questions, notamment Philippe, qui nous a rejoint au 32-16. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Bonjour Philippe. Bienvenue, on vous écoute. Ben voilà, moi en fait je me posais la question concernant les détecteurs de fumée. Oui. Personnellement je les ai achetés, je les ai pas encore installés. Ah c'est pas bien. Ben oui, parce que je sais pas vraiment où les installer. J'ai une maison à étage, rez-de-chaussée, premier, deuxième, oui, avec un couloir central à chaque niveau. Et je me posais la question de les installer dans ces couloirs centraux. Mais je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas des pièces spécifiques où il faut en installer ? D'accord, voilà. Alors on a justement avec nous Jean-Marie Mussa, directeur commercial et marketing de Lifebox, donc une entreprise spécialisée notamment dans ce type de matériel, puis on aura aussi l'avis de nos amis pompiers. Jean-Marie Mussa, alors ces détecteurs obligatoires depuis 2015, où est-ce qu'on peut les installer ? Où est-ce qu'il faut les installer ? Mais là aussi, on va parler de doctrine. En France, on dit qu'on généralement, on essaie d'installer les détecteurs de fumée principalement dans les chambres, puisque c'est souvent là qu'il peut y avoir des causes ou des incidences mortelles. Mais parce qu'on se rend pas compte en fait de la pollution et de ces fumées. Voilà, parce que c'est la fumée qui est surtout mortelle. Donc on recommande généralement d'installer les détecteurs de fumée principalement dans les chambres. Mais j'ai entendu moi aussi une doctrine différente qui est celle de dire on les met dans les couloirs et on les met notamment en haut des escaliers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment de détecteurs de fumée pour en mettre partout dans vos chambres, effectivement, il faut privilégier le fait de le mettre potentiellement dans le couloir, donc qui pourrait desservir plusieurs chambres. D'accord, mais ça c'est pour votre business, comme ça on vous en vendrez plus. Mais moi, je parle sous couvert de ma responsabilité de fabricant français de détecteurs de fumée. Comment ça se passe en fait? Si par exemple j'ai une maison de plein pied avec deux chambres, combien de détecteurs de fumée faut-il? Mais donc à minima deux détecteurs de fumée. D'accord. Alors que pensent les pompiers Serge Ballester? Je vais exactement dans le même sens et je suis même pire alors que moi j'en vends pas et on fait pas de bénéfice. Oui. Vous nous avez demandé d'aller à l'essentiel, je vais aller à l'essentiel. Allez-y. Les fumées ne se déplacent pas dans des pièces, elles se déplacent dans des volumes. Les volumes, vous les créez chez vous en ouvrant ou en fermant des portes. Voilà, vous avez des chambres, une chambre c'est un volume, et il peut y avoir potentiellement un départ de feu dans cette chambre. Si vous mettez un détecteur de fumée dans le couloir, vous dormez dans la chambre, la porte est fermée, il y a un feu dans la chambre, le détecteur ne sonnera jamais. Bien sûr. Et la personne qui est dans la chambre ne sera réveillée ni par les flammes, ni par les fumées. Oui. Donc, si vous avez une maison avec deux chambres, eh bien il faut au minimum trois détecteurs, un dans chaque chambre, et un à l'extérieur. Dans le couloir. Dans le couloir, par exemple, de façon à ce que si le feu part du salon, eh bien que les gens soient prévenus aussi suffisamment tôt pour pas être obligés de rester bloqués dans leur chambre. D'accord. Voilà. Alors on est d'accord qu'on n'en met pas dans les chaufferies, qu'on n'en met pas dans les pièces où il y a une cuisine, c'est pas conseillé, qu'on n'en met pas dans les cuisines. Alors, parce que ça risque d'être perturbé. Les feux de cuisine, c'est ce qu'on fait le plus. C'est quand même dommage de pas mettre de détection dans les endroits où les risques sont les plus importants. Oui. Donc, effectivement, un détecteur de fumée peut ne pas être adapté à une cuisine, surtout si elle est petite, si on cuisine gras, qu'il y a beaucoup de fumée ou de vapeur d'eau, ça peut faire des déclenchements intempestifs. Parce que ce sont des systèmes optiques, rappelons-le. C'est-à-dire qu'un détecteur, il voit la fumée. On ne devrait pas appeler ça un détecteur de fumée, on devrait appeler ça un détecteur de particules fines, donc poussière, vapeur d'eau, gaz d'échappement, etc. Ça peut déclencher un détecteur. Donc dans un garage, on n'en met pas, par exemple. On ne met pas de détecteur de fumée, oui. Si c'est pas adapté, mais il faut de la détection incendie, parce que le but est le même, il faut être éveillé et précocement. D'accord. Donc il existe des détecteurs de chaleur pour ça. Ah oui, ça notamment. C'est encore autre chose. Donc là, ça détecte en fonction. Ce qui est obligatoire, ce qu'il faudrait rendre obligatoire, c'est la survie des gens. Oui. Voilà. Nous, on a une approche sécuritaire. Hein, c'est pour ça que la loi dit un détecteur. Monsieur disait qu'il en fallait au moins deux dans les chambres, etc. C'est même pas ce que prévoit la loi. C'est là, il faut vraiment maintenant avoir une démarche sécuritaire et non plus seulement réglementaire. Une vraie démarche pédagogique. C'est oui, ça, Jean-Marie Mussa. Et alors, ces détecteurs, ils ont quand même beaucoup évolué. Maintenant, ils peuvent être connectés. Ils peuvent être, quand on est des personnes âgées, il y a aussi des systèmes spéciaux. Vous parliez tout à l'heure de coussins vibreurs, c'est quoi par exemple? Ça veut dire qu'effectivement ils ont beaucoup évolué, mais que quand on parlait de coussins vibrants ou de flash lumineux, c'est surtout pour les personnes handicapées, avec une déficience visuelle ou une déficience auditive, et qu'on a effectivement la possibilité d'avoir maintenant des systèmes qui permettent à ces personnes en déficience de pouvoir être alertées et de pouvoir se sauver la vie. D'accord. Un détecteur connecté, qui est par exemple connecté avec votre portable, vous pouvez avoir le détecteur qui est dans l'escalier et qui fait sonner votre portable, ça existe ça? Exactement, donc vous pouvez très bien vous dire que si vous êtes soit dans une autre pièce, soit à l'extérieur de votre maison, être prévenu, mais que l'objectif c'est de se sauver quand on est dans sa maison, donc c'est pas forcément d'être prévenu quand on est à l'extérieur. Oui. Mais ça fait partie des innovations de techno et de produits connectés. Messieurs les pompiers, on l'évoquait tout à l'heure rapidement, quels sont les premiers gestes de secours à faire quand il y a un départ de feu dans une maison, que ce soit la cuisine ou dans une autre pièce? Alors, c'est un peu comme la priorité de nos missions. Le premier des objectifs, c'est de rester en bonne santé. Voilà. Alors, je pourrais vous donner plein de types de situations. Si c'est un départ d'aliments laissés sur le feu, un feu de friteuse, un feu qui démarre dans une poubelle ou autre. Le plus courant, c'est quoi? Le plus courant, c'est les aliments laissés sur le feu. D'accord. Voilà. Donc, j'oublie d'éteindre une poêle. Voilà, j'ai une poêle avec de l'huile dedans. C'est dommage parce qu'il est bien cuit, là, le steak, oui, à ce moment-là. Voilà. Hein. Tout à fait. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, déjà, c'est analyser la situation. S'il y a des fumées, alors on est exposé à un danger mortel. S'il y a des fumées, le fait d'aller vouloir éteindre le feu, on s'expose à un danger mortel. Et la priorité, c'est la protection des personnes et pas des biens. C'est aussi la priorité des missions des pompiers. On ouvre des fenêtres, on fait quoi dans alors ces cas surtout précis. Pas ouvrir les fenêtres dans un dans l'endroit où démarre le feu. Le feu est comme nous, il a besoin d'oxygène pour respirer. S'il respire, il va se développer, il va devenir puissant. Il faut l'empêcher de respirer. Et lui, ses fumées sont mortelles, mais elles sont mortelles pour lui aussi. Il n'y a pas d'oxygène dans les fumées. Donc si on empêche les fumées d'évacuer, eh bien le feu va s'étouffer lui-même. Voilà, il va manquer d'oxygène. D'accord. Donc j'ai un départ de feu dans la cuisine. Si je suis juste à côté, il y a quelques petites flammes. Je prends un couvercle, je couvre la poêle, etc. Pas d'eau. Alors pas d'eau dans de l'huile. Voilà, souvent, l'eau, c'est ça, l'eau à 100 degrés, elle se vaporise. Donc si on verse de l'eau dans un liquide ou dans ou sur une poêle qui est à plus de 100 degrés, ça l'eau va se vaporiser instantanément et donc ça va faire plus de dégâts, risque de brûlure, etc. Voilà. Donc à partir de là, il vaut mieux fermer la porte de la cuisine, laisser les fenêtres fermées et puis sortir. Donc là, non seulement on se protège des fumées, mais en plus on étouffe le feu avec ses propres fumées. Oui, parce qu'il n'y aura pas d'oxygène, donc au bout d'un moment, il va s'éteindre tout seul. Exactement, et les dégâts même seront très limités. Alors que si on essaie d'éteindre et que ça se passe mal, je peux vous dire que là, les gens partent en courant. Oui, mais cela dit, avec les VMC, il y a de l'oxygène qui rentre, donc. Non, alors déjà, les VMC, c'est une extraction, mais c'est pas du désenfumage. Et l'air qui passe sous les portes, c'est un petit peu comme si je vous mettais un sac plastique sur la tête et je faisais un tout petit trou avec une aiguille à coude pour que vous respiriez. Donc le feu n'aura pas assez d'oxygène pour repartir, en fait. Est-ce qu'il est utile d'avoir des matériels, style extincteur, une couverture en anti-feu? Alors vous allez nous dire oui, j'imagine, Jean-Marie Mussat, puisque vous en commercialisez. Moi, je vais vous dire oui, mais je vais vous dire oui avec une réserve. La réserve, c'est que l'objectif, c'est aussi quand même d'être formé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je recommande, bien entendu, de pouvoir s'équiper d'extincteurs ou de couvertures anti-feu. Mais pour autant, il faut bien apprendre à l'utiliser et il faut bien savoir comment l'utiliser. L'objectif n'est pas d'avoir d'un matériel tel qu'il soit et qu'on ne sache pas s'en servir. L'objectif, c'est bien d'être formé pour ça. Un extincteur, messieurs? Parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Ne mettez surtout pas d'extincteur chez vous si vous n'êtes pas formé à l'utiliser, parce que ça vous inciterait à vouloir. Il y a deux classes d'extincteurs. Il y a ceux pour les feux électriques. Voilà, il faut savoir lequel utiliser. Il faut être sûr de bien analyser la situation. Mmh. Éteindre un feu, c'est-à-dire rentrer dans la pièce. S'il y a de la fumée, on n'atteindra même pas les flammes. Alors qu'agir sur un feu, c'est agir sur les flammes. Or, les flammes, c'est le danger qui nous menace le moins. C'est les fumées qui nous menacent. Donc, on peut perdre connaissance en quelques secondes avec des fumées nocives? Ah oui, bien sûr. Vous avez en particulier le monoxyde de carbone et l'acide cyanhydrique qui sont présents dans les fumées d'incendie, plus bien d'autres choses. Mais la combinaison déjà de ces deux éléments-là font que en très petite quantité, vraiment une concentration très faible, eh bien, vous avez en 2-3 inspirations des effets qui peuvent être immédiats et qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La se mettre plutôt au niveau du sol plutôt que se lever? Les fumées montent, non? Oui, enfin, tout à fait. Les fumées ont plutôt tendance à monter lorsqu'elles sont issues d'un feu avec flamme, parce qu'elles sont chaudes. Si c'est un feu couvant, les fumées, elles vont se diffuser un petit donc peu partout dans le volume. Terre, en fait. Alors, c'est pour ça. Les fumées, faut pas chercher. S'il y a fumée, il y a danger mortel. D'accord. Et donc, il faut les fuir. Messieurs, on va revenir au sujet qu'on évoquait tout à l'heure concernant le débroussaillage des maisons. Question très intéressante de Pierrette. Bonjour Pierrette. Bonjour Pierrette. Voilà. On vous écoute. Je voulais vous parler de mon cas. J'ai une maison, enfin maintenant c'est mon fils qui est dans la maison aussi. Une maison qui est à 1,50 m de la propriété d'à côté. Oui. C'est une vieille maison. Et la propriété d'à côté, petit à petit, il est venu des broussailles et puis on a laissé pousser les arbres. Et il arrive que les chênes arrivent jusque dessus la maison. Et nous débroussaillons depuis des années sur 50 mètres chez la personne. Très bien. Mais cette personne ne veut pas, absolument pas couper les arbres, elle veut absolument pas, en somme, rien couper. Oui. Et elle est très, elle est pas facile à... Oui, pas facile. Alors, à... capitaine. Alors, mais votre question, c'est savoir est-ce qu'on peut l'obliger en fait à débroussailler, voilà, c'est ça? J'en ai parlé plusieurs fois aux pompiers, mais j'ai l'impression que ça n'a rien fait du tout. Et on est embêté parce que finalement, c'est toujours toujours à débroussailler. Oui, et si un jour un drame arrive, ça sera peut-être à cause de votre voisin. Donc c'est ça. Ah mais, ben, ça c'est sûr. Hein. Messieurs, capitaine Portet. Oui, bonjour. C'est votre spécialité, là. Bonjour, Pierrette. Une petite question avant de vous répondre. Est-ce que le propriétaire qui habite à côté de chez vous vit dans cette habitation? Oui, il vit. Mais il se trouve que c'est un paysan qui habite, en somme, ça fait un vallon, et il habite de l'autre côté du vallon. Avec sa famille? Il est avec sa famille? Comment ? Il est avec sa famille dans cette habitation ? Oui. D'accord. Bon, mais malheureusement, il faudrait que le bon sens l'emporte parce que il se met en danger, il met en danger sa famille. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Si, bien évidemment. Alors, si malheureusement le bon sens ne marche pas, la discussion n'arrive pas à son terme, il va falloir effectivement saisir le maire de votre commune et qui lui peut faire les travaux et enverra la facture, un titre de recette à ce monsieur. D'accord. Voilà. Et dans le courrier que vous adressez à la mairie, vous dites qu'au maire qui pourrait aussi être tenu pour responsable s'il y avait des morts. Si jamais il y a un drame, voilà. Mais ça, il le sait déjà. Oui, mais c'est pas mal de le rappeler. Oui, non, mais pour qu'il se rende compte de l'importance, en fait, de tout cela. On revient dans un instant, messieurs, 9h46. On parle d'incendie ce matin. Et on va parler des domestiques. Conséquences sur la santé dans le dernier quart d'heure. À tout de suite. RMC, 8h10. Votre maison. J'ai adoré notre premier rendez-vous. C'est vrai. Ouais. Je dois t'avouer que j'étais séduite par... La discount, je dois filer. Aujourd'hui, pour un pack de tablettes lave-vaisselle, tout en a un finish acheté. Le second est offert. Soit 6,99€ les deux. Netto, le discounter qui fait la différence. 45 tablettes, 815 grammes, 6,99€ le pack vendu seul. Martin, il a quel âge ton papa ? 55%. Oh, la chance ! Il tient ? Bah, il a que 41%. Vous voulez pas m'adopter ? Pour la rentrée et jusqu'au 17 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE. Petit Pain aux Noix cherche le fromage tendre et fruité sur lequel il puisse compter au déjeuner. Justement, chez Grand Frais, le comté AOP est à 10,90€ le kilo seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 17 septembre, origine Franche-Comté, 8 mois d'affinage minimum au lait cru de vache. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Nicole, sociétaire Massif. Aujourd'hui, je fête mes 60 ans et ma forme olympique. C'est un peu grâce à la Massif depuis que j'ai souscrit Garantie Santé. Avec le bonus fidélité, j'ai le pouvoir d'être mieux remboursé sur mes soins dentaires et optiques. Comme ça, je profite de la vie. Massif, essentiel pour moi. Rendez-vous dans nos points d'accueil ou sur massif.fr. Voir conditions et limites du contrat sur massif.fr. Le contrat Garantie Santé proposé par la Massif est assuré par des mutuelles régies par le livre 2 du Code de la Mutualité. Encore une nouvelle fraîche de Carrefour Market. Mais c'est quoi ces bouteilles, ces caisses en bois ? Jusqu'au 2 octobre, c'est la foire au vin chez Carrefour Market, Michel. On va découvrir les secrets des domaines et la sélection de vins Carrefour Market à petit prix. Dites-moi plus ! Par exemple, le Château Bel Air Gloria au Médoc Cru Bourgeois 2014 est à seulement 8,99€. Un vin aussi à ce prix-là ? Vous connaissez bien votre domaine. Carrefour Market. Bouteille de 75 centilitres, disponible dans les drives Carrefour Market. Voir produits et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RMC, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Le week-end des experts à la maison, on parle des incendies domestiques. Christian va peut-être s'intéresser aussi au choix du détecteur de fumée parce que il y a à boire et à manger visiblement. Hein. Oui, Jean-Marie Mussin, il y a une norme d'abord. Oui, il y a une norme qui est la CEN 14604, mais qui est pas suffisante pour avoir un bon détecteur. Ça vaut combien un bon détecteur de fumée? Un bon détecteur, c'est au moins entre 15 et 20 €. Ça veut dire que nous, on estime, on est fabriqué en France, et on estime qu'un bon produit, c'est un produit qui vaut dans cet ordre de prix, et qui a une durée de pile, on va dire, de 5 et 10 ans, puisqu'il faut essayer autant que possible d'avoir une durée qui soit importante. Donc des piles lithium-ion. Et effectivement, mais surtout bien faire attention à ce niveau de qualité et c'est vrai que la norme n'est pas suffisante. Il faut être extrêmement précautionneux là-dessus puisque c'est un vrai problème que d'avoir des produits de mauvaise qualité qui peuvent être dangereux. Parce qu'on croit avoir confiance en ces produits alors qu'ils fonctionnent pas. Exactement. On va parler maintenant des conséquences sur la santé de ces incendies, de ces intoxications. Et nous avons avec nous Patrick Pelou, médecin urgentiste bien connu. Bonjour, Monsieur Pelou. Alors, bonjour. Vous récupérez les blessés, les brûlés, les intoxiqués. C'est quoi ce que vous avez le plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous constatez au niveau des arrivées en urgence? On constate, c'est hélas des carnages ou des drames comme l'explosion qui a eu lieu à Dijon avant-hier ou hier. C'est-à-dire des gens qui sont brûlés, qui sont blessés. Patrick, on vous entend très mal. Alors, je ne sais pas comment vous passez un coup de fil. Sur mon portable. Non, là, vous entendez mieux là. Alors, parlez bien en face du micro parce que c'est pas terrible. Il y a les incendies, il y a les fumées, mais il y a aussi toutes les conséquences de l'incendie, c'est-à-dire les explosions qui sont souvent liées à l'incendie de l'appartement ou de la maison. Donc les conséquences sont souvent dramatiques pour les personnes et souvent avec un effet retard, c'est-à-dire que souvent on prend en charge les brûlés, on les conduit dans les réanimations et à 2-3 jours après, les fumées agissent encore, si vous voulez, par les effets et c'est dramatique. Est-ce qu'il y a des premiers gestes à faire ou à ne pas faire lorsqu'on est soumis justement est-ce qu'il faut faire vomir lorsqu'on a eu une intoxication aux fumées? Est-ce qu'il faut mettre de l'huile, de l'eau si on est brûlé, ou ne rien faire? Ça c'est des théories du Moyen-Âge. Mais justement, elles sont encore très largement répandues. Quand même, sur RMC, vous pouvez dire des choses contemporaines. Eh bien, allez-y, on est là, vous êtes là pour ça, justement. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas paniquer. Ce n'est pas facile. Ça veut dire qu'il ne faut pas, notamment les incendies d'immeubles, il ne faut pas commencer à vouloir sauter par la fenêtre. Oui. Parce que ça, c'est dramatique. Au-delà du deuxième, troisième étage, la chute d'un immeuble est absolument épouvantable et vous risquez de mourir très vite. Il faut attendre. Les sapeurs-pompiers sont là pour ça. Ils savent repérer, ils savent fouiller une maison. Donc, il faut attendre. Pour ça, vous avez des tas, et vous en avez déjà parlé, pour vous protéger. L'alarme a sonné, il y a un incendie. Essayez de l'éteindre, mais si ça ne marche pas, c'est de calfeutrer dans une pièce. Bien faire signe sur l'extérieur que vous êtes dans cette pièce et protéger des fumées par des linges humides qui sont posés le long des rainures de la porte. Et attendre les secours, bien d'accord. sûr. Et attendre les secours. Il ne faut jamais tenter des gestes. Et si jamais vous êtes brûlé, la seule chose qu'on peut dire, c'est de refroidir à l'eau froide. C'est tout. Après, tout ce qui concerne d'autres techniques, je vous dis avec des théories et des rumeurs très anciennes qui vont de la patate au savon à ce que vous voulez. Tout ça, on laisse tomber. L'eau froide sur une brûlure. Patrick Pelou, l'eau froide sur une brûlure, on l'a compris, c'est ce qu'il y a le bon sens et le bon geste. Merci Patrick Pelou. Merci beaucoup. En quelques mots, commandant Ballester, oui. le programme Prévince. Oui, pour dire prévention incendie. Prévince. En fait, c'est la conséquence directe de la pratique de la recherche des causes et des circonstances d'incendie par les pompiers, dans le Val d'Oise en particulier, mais on cherche vraiment à ce que ça se développe dans la France entière, partout. Tous les pompiers, c'est l'analyse des circonstances, la recherche des causes, l'explication des causes accidentelles d'un feu, et on en a fait un programme pédagogique. Il y a un site là-dessus ? Oui, c'est le site prévince.fr. Donc, c'est des formations qui sont sans frais d'inscription pour les populations, qu'on fait organiser par des élus, des entreprises. Notre but, c'est de former le plus grand nombre possible, que ce soit des adultes ou des enfants. Et ça s'inscrit dans le programme de Grande Cause Nationale, là ? Oui, on s'inscrit dans le grand... Dont on a parlé cette semaine ? Tout à fait. Grande Cause Nationale, c'est pour savoir quoi faire face à un risque, et y compris le risque d'incendie domestique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence ce matin. Merci. On a appris encore une fois plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Serge Chimon dans un instant, les amis, pour les GG du sport. C'est ça va, Serge? C'est la première fois que je vous vois tout feu, tout flamme. Moi qui voulais me déclarer ta flamme. Et tu vas faire des étincelles, évidemment. Non. Ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ça va, les amis? Ouais, bien. Messieurs les pompiers, mes hommages. J'adore. Bravo. Merci. Bravo pour tu veux le même t-shirt? Non. Il est déjà réservé. Ah, tu l'as déjà. Non, pas pour moi. Mon charme naturel suffit. Serge, oui, c'est vrai. Charme naturel de cri-cri. Bien sûr. On enchaîne. On va retrouver le GG du sport dans un instant. On va parler un peu de tennis, c'est la Coupe Davis, un peu de football, évidemment, avec un Cavani tonitruant. Un type qu'on commence à comparer à Mohamed Ali, c'est Colin Kaepernick, qui est en train d'instaurer un mouvement de protestation sociale aux États-Unis, jeune football américain. Et puis un débat de fond, le PS, l'éducation physique et sportive à l'école, a-t-elle vraiment sa place? Tu le sais, François, il y a un rapport qui est sorti avec 54 propositions. Voilà! Évidemment, t'as été prof d'éducation physique ou pas, toi? Non, mais j'en ai connu beaucoup. T'en as connu beaucoup? Ils m'ont sauvé la vie. C'est vrai, tous? Non. Il y en a qui ne donnent pas envie de faire du sport, c'est ça le souci. Bon, Serge Chimon dans un instant avec Christophe Cessieux. Bon week-end, moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin dès 6h pour les animaux et ensuite l'automobile. Portez-vous bien. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Le mois, Carrefour. Et ils sont

présenté par Laureline Savoie. Bonjour Laureline. Bonjour à tous. Il y a plus de 10 mois, le drame du Bataclan. Hier, les familles des victimes ont saisi la justice. Elles veulent comprendre pourquoi les militaires de la Force Sentinelle ne sont pas intervenus. Le colonel Benoît Brulon, porte-parole de l'opération Sentinelle, a donné des éléments d'explication sur BFM TV. L'intervention dans un milieu clos avec des otages nécessite des compétences particulières, un entraînement particulier. C'est pour ça qu'elle est confiée à des forces qui sont des forces spécialement entraînées. L'intervention de nos militaires avait pour but de préparer l'engagement de ces forces spéciales du ministère de l'Intérieur. Et le travail qu'ils ont effectué en sécurisant la zone a permis l'engagement, en particulier de la brigade de recherche et d'intervention et du RAID. On est dans une situation dans laquelle il n'y a pas eu d'ordre d'engagement. Nos soldats étaient positionnés pour remplir une mission qui correspondait à leur principe d'action et qui correspondait à la manière dont ils sont utilisés sur le territoire national. L'adolescent de 15 ans arrêté mercredi, soupçonné de vouloir mener une attaque djihadiste, a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Ces 10 derniers jours, 4 adolescents ont été arrêtés pour des velléités d'attaque terroriste. Il manifestait jeudi contre la loi travail. Il a perdu l'usage d'un de ses yeux, c'est ce que déclare son syndicat. Laurent Théron, militant sud, a vraisemblablement reçu un tir de grenade lancé par des policiers. La police des polices a été saisie. Une Union européenne attrayante dans laquelle nos citoyens pourront avoir confiance. Voilà les mots de la déclaration de Bratislava, où se tenait hier le premier sommet de l'Union à 27 depuis le référendum du Brexit. Les dirigeants européens se sont donné 6 mois pour lancer un nouveau souffle à l'Union européenne.